J'attends 70, toi. OK, on y va? Ce soir en manchette, change-toi toi-même et Facebook changera. Le vaporiseur vaporisé, un homme cogu dildoisé. C'est pas parce qu'on fuit qu'on peut pas être beau. La survie en forêt pour une Pop-Tart. Une femme ennemie d'une femme. Et finalement, la bonne nouvelle, 70%. Vous êtes à 70%. Bonsoir. Trop, y'a trop de questions sur ma liste. De questions techniques et existentielles. Si Jésus était jeté à l'eau tête la première, flotterait-il quand même? Rebondirait-il? Se perdrait-il? Et que cette théorie qui dit qu'à chaque fois qu'on écrase une mouche, l'une de celles repousse par nos sourcils. La vie, ce n'est pas simple. Mais heureusement, on peut, paraît-il, expliquer le monde par une équation mathématique. 100 moins 30 donne 70, plus 100 donne 170, plus 70 donne 240, moins 30 donne 210, plus 70 donne 280, divisé par 4 donne 70. Et va donc répéter ça à ta sœur de ma part. Elle en sera folle d'amour, j'en suis de sûr. De toute beauté, c'était Alex, de Alex et Arnold. En fait, cette chanson-là, il l'avait composée, ça faisait longtemps, et là, il nous a rencontrés. Il a appris que 70% était un show qui existait, et l'équation de sa vie, de la vie pour lui dans sa chanson, c'était 70. Et je suis très d'accord, je vous encourage à vivre à 70% tout le monde. Merci Martine, mon nom est Tommy Godette, on est là, ici pour un enregistrement de podcast et pour un set de VJ de notre chum Giz qui est là-bas. Ça va Giz? Ah, il fait salut, il est content, j'ai très hâte de voir ce que tu nous as amené. Sinon, ben, vous reconnaissez sûrement mon invité Amir ici, on peut l'applaudir. On applaudit Amir. Woo! Ben oui, merci. Un petit enregistrement tranquille de juillet, je me suis dit on va sortir les gros canons. On a notre prestidigitateur et futur maître du monde, un de mes êtres humains préférés rencontrés depuis que je l'ai rencontré. Propriétaire Amir... des restaurants, si je ne m'abuse. Non, pas lui. Non, ça, il y a délégué, ça. Sinon, ben, vous avez reconnu Andy aux nouvelles, en remplacement de Bruno. On a Laurent Agla comme... c'est quoi ta trace de break aujourd'hui, mon cher? C'est Snotty Gingras. Snotty Gingras. Morphologue de renom. Trace de break du passé avec Laurent Agla. On a Laurent Lassalle qui est en chroniqueur invité. Salut Laurent. Hello. Et voilà, on a Éric Carmen qui est dans la place. Mathieu Boudreau. Et je pense qu'il y a Julien Bernacci aussi qui est là pour une rare visite. On est très content de le revoir à 70%. Mm-hmm. En attendant, ben, on vient d'écouter Street Fighter 2. T'allais tellement dire 2. C'est parce que le film est basé sur le jeu Street Fighter 2. Inspiré? Inspiré, c'est encore fort. Mettons, tous les personnages du film et du jeu portent des noms qui reviennent l'un dans l'autre. Et là, si on y va par genre proportion ou par coïncidence, on est mieux de se dire que l'un est inspiré de l'autre. Toi, Ryu, en vendeur d'armes, est-ce que tu as trouvé ça crédible? Pas vraiment. T'es-tu un amateur de jeux vidéo? Mais en fait, je l'étais, mais mes connaissances de jeux vidéo sont pas aussi élaborées que mon collègue Giz. Ben non. En fait, c'est pas un collègue, c'est juste un gars qui est bon en jeux vidéo. Ouais, ben oui, c'est sûr. T'es cool, dude! En fait, il est même pas si bon que ça, mais il en parle pas mal. Il y en a des jeux. Ouais. As-tu déjà vu sa collection? Ben oui, je sais. Mais voilà. Ben oui, ben oui. Moi, j'en ai 4, il y en a 4. C'est pas parce que t'as une grosse collection que tu sais t'en servir. Ben oui. Là, t'as pas de micro, Giz, ta gueule. Fait que sinon... C'est comme un dildo. Qu'est-ce que tu fais ces temps-ci, toi-là, Amir? L'été, ça ressemble à quoi? Moi, je suis comme un petit peu jack of all trades. Je fais un petit peu de tout. Fait que là, des fois, t'es comme un mercenaire, puis après ça, tu redeviens... Tout à fait. Ouais, ouais. Moi, en fait, mon les galaxiens aussi faisaient ça. Oui, oui, oui, mais je pense pas que je peux vraiment être comparé à un galaxien. Oh. Mais non, moi je suis un fou de la vie. T'es un capoté. Ah, tout à fait. J'aime tout. Ah ouais. Ouais. Moi je suis courtier immobilier, je vends des maisons, tout ça. J'étais aussi magicien pendant longtemps et je prends des gigs de temps en temps. Ça, c'est assez débile, ça. D'ailleurs, tout tu vas nous faire un tour à radio tantôt. Ça, oui, comme ça, les auditeurs peuvent voir. Ah ouais, exactement. Oui. Moi, je veux dire, on a déjà reçu un mime, on a joué à Ouija à 70%. Il y a rien qui va nous dire. Ouais, il était là. Là. À un moment donné, j'étais allé cogner dessus pour que le monde entende qu'il y avait quelque chose. Mais bon, Non, j'ai ça. Je pourrais te montrer un petit tour tantôt, si tu veux. Ben oui, certain. Ouais, avec grand plaisir. Sais-tu comment ça marche, 70% maintenant? Malheureusement, je ne sais pas. Ben oui, t'es tellement occupé, puis tout. Oui, un peu de ça aussi. Mais sinon, est-ce que t'as un site, si tu veux prendre des shows et tout? Est-ce que, en fait, j'ai ma page Facebook. Et voilà. Qui est en fait celle de mon travail actuel qui est courtier immobilier, puis j'ai ma page personnelle aussi. Toi, tu fais des t-shirts aussi. Ouais, mais ça, c'est ça que j'ai dit, c'est que je suis un peu. T'es plugué sur la source des macarons aussi. Ouais. En fait, les objets promotionnels, n'importe quoi, c'est moi, je pense que. En fait, pas je pense, je suis sûr que. Toi et ta famille. Qu'elle déguise dans certains de ses projets aussi. C'est sérieux. Le Proud to be alive, je pense, j'ai vu quelqu'un qui portait un t-shirt. Ouais, voilà, yeah. C'est pas mal les objets promotionnels, j'ai fait ça pendant longtemps et je fais encore pour servir les clients existants. Mais j'aide les gens à passer du point A au point B. Moi, si je peux rendre service à quelqu'un, si je le fais pas, je connais beaucoup de gens. Fait que moi, ça me fait plaisir d'aider les gens. C'est la chose principale même que j'aime faire. Et voilà, ben, c'est gentil. Ça mérite qu'on l'applaudisse. Bah oui. Bonne attitude. T'es open si jamais tu veux donner des conseils, si vous n'avez pas. Allez voir, c'est quelqu'un à connaître. T'as parlé de ton père tantôt, on en parlait. Là. Ça va-tu bien avec ton père? Oh, super bien. C'est cool. Puis sinon, ben, 70% de la manière que ça marche à ce temps, c'est que là, on va terminer l'entrevue. Ouais. On a parlé du film un petit peu. Là, il va y avoir les chroniqueurs qui vont passer. Et moi, je t'encourage à commenter. Parce que toi, t'es comme la saveur de la soirée. Là. Oh, merci. Puis en plus, vous aimez ça, les saveurs en émigranie. Oui, c'est vrai. C'est le pays, le plus grand pays du monde. Le plus grand pays, c'est l'immigranie. Bon, les immigrants, ben oui. Et voilà, c'est dit. Ben, merci beaucoup d'être avec nous. Je pense qu'on peut y aller, Nick. Bonsoir, c'est Andy en remplacement de Bruno Corbin. Plusieurs personnes depuis plusieurs mois ont découvert qu'il est difficile, voire impossible, d'avoir un pseudonyme comme profil Facebook, mais qu'à cela ne tienne, une londonienne a découvert enfin la solution infaillible. Gemma Rogers a créé un profil Facebook en 2008 sous le pseudonyme Gemma Royd von Lala, car elle ne voulait pas avoir de requêtes d'étrangers et de vieux amis, ça se comprend. Tout allait bien jusqu'au moment fatal où Facebook, en quête de vérité, demanda, comme le veut sa procédure, à Gemma de s'identifier afin de prouver que le nom n'est pas un pseudonyme. Ne voulant pas avoir un compte suspendu, Gemma fit la première chose logique qui est de photoshopper son nom, Gemma Royd von Lala, sur ses cartes bancaires, ce qui ne fonctionna pas étonnamment. Plutôt que de perdre son compte ou changer le nom mais du non, compte tu peux changer pour son nom vrai de fois. Nom. Gemma a enfin trouvé la faille que nous pouvons tous exploiter, tout le monde dans la salle. Elle s'est rendue au bureau des registres et a changé officiellement son nom pour Gemma Royd von Lala. Ah, voilà. À quel prix? Hey, c'est assez glorieux, ça, là. On s'attendait à avoir une nouvelle calissement plate à propos d'une affaire qu'on se fout totalement. Puis Gemma, excusez, Gemma Royd s'est donc commandé de nouvelles cartes bancaires et a renouvelé son permis de conduire afin de pouvoir, une fois pour toutes, prouver sa vraie identité et réouvrir son compte mythique facebookien. Mais ça enlève un peu le but de ça. C'était plus pour rester dans l'anonymat. Maintenant, ça a fait de la une, même ici à 70%. Et fait oui. Que tout le monde sait que c'est elle. Fait qu'elle est juste avec un nom laid. Ses vieux amis vont le retrouver. Madame Von Lala, ouais. C'est juste un nom laid que tout le monde peut trouver, ouais. Von Lala. Von Lala avec L-A-A-L-A-A. Ouais. C'est le deuxième A qui compte. Je pensais que les noms de famille, c'était comme du patrimoine, puis il fallait que tu aies une bonne raison pour les changer. Jusqu'à temps que Facebook est arrivé. Ouais, ben c'est peut-être une bonne raison, ça. Ouais. Je sais pas c'est quoi. Let's go, next! On y va. Le service 911 du comté de Morrison au Minnesota a reçu plusieurs appels le 7 juillet dernier entre 4 et 5h30 du matin provenant de Scott Patrick Garman, 46 ans. Lors de ces appels, l'homme de Little Falls engueulait les répartiteurs au sujet d'une visite d'officiers de police qui sont passés chez lui plus tôt dans la soirée. Les répartiteurs ont donc demandé à d'autres officiers de retourner chez Garmin afin de prendre une déposition. L'homme les attendait sur les marches de sa galerie avant, tenant une canisse ou une bonbonne dans ses mains. Lorsque la police a demandé à Garmin de déposer sa bonbonne, la réponse fut « Fuck you, vous êtes sur ma propriété ». Ce à quoi les policiers ont répondu « Nous y sommes parce que t'as appelé le 911 ». Ouais, c'est ça, c'est... Fait que... Après avoir été intimé de déposer son arme et lorsqu'un des policiers a sorti son taser, l'homme a décidé qu'il en avait assez et a aspergé les deux policiers de poivre de Cayenne. Un des policiers désorienté a tenté de contacter difficilement la station, l'autre s'est rué vers Garmin et a réussi à coups de bâton à procéder à son arrestation, tel un vainqueur. Selon la station, la police a identifié la canisse de poivre comme étant une canisse anti-ours. Clairement, à ne pas utiliser contre les humains. Garmin fait maintenant face à deux chefs d'accusation d'agression au quatrième degré sur un agent de police et à un chef d'accusation de délit grave d'entrave aux policiers. C'est reconnu coupable. Il risque jusqu'à 5 ans de prison par chef d'accusation et d'un an pour l'accusation de délit grave. Donc, il peut aller jusqu'à 11 ans juste parce qu'il a rappelé les policiers. Utilisation frauduleuse du 911 aussi. Oui, sûrement. C'est... On voulait. Voyons, c'est-tu de weirdo capoté? T'aurais-tu fait ça, toi, à mère? Non. Non. puis, mettons, là, tout le monde, on reste à pourquoi? Oh, ouais, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas, OK, le gars, il n'y avait personne d'autre dans la maison, il était tout seul. Il n'y a pas de raison. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de réponse, il n'y a même pas la raison pourquoi. Moi, j'aurais fait un tour de magie avec ça, je pense. C'est peut-être ça qu'il essayait de faire, puis ça n'a pas marché. On va pour un autre. Let's go, une dernière. Tristan Horn, 36 ans, de la Floride, a été arrêté pour violence conjugale dimanche dernier lors d'une dispute avec son ex-femme. Les policiers ont indiqué que Horn passait la nuit avec celle-ci lorsque les deux ont eu une altercation dans la chambre à coucher. Selon le rapport d'arrestation, la femme utilisait la salle de bain lorsque Horn a fait éruption, l'accusant de le tromper avec un jouet sexuel. Toujours selon les policiers, Horn a attrapé le bras de la femme et l'a tordu avant de retourner vers la chambre saisissant le jouet sexuel et le cassant en deux. Non! Wesh. Un cas classique de jalousie. Est-ce qu'elle était horny? Oh. Horn. Moi, j'ai compris. Bouh! Okay. J'étais avec toi. Next. La femme et sa fille de 16 ans ont réussi à sortir Horn hors de la maison, mais il est revenu plus tard et a volé le téléphone portable de son ex-femme pendant qu'elle dormait. Horn a admis plus tard qu'il a pris le téléphone car elle avait tenté le tien. Son ex-femme a affirmé en explication qu'elle avait invité Horn à passer la nuit chez elle parce qu'il a promis un lift pour le travail le lendemain. Tout est bien qui finit bien? Hey, c'est des adultes, ça. Ça jongle en esti, cette vie-là, hein? Là, ils veulent pas le gouvernement s'implique dans leur vie privée, mais Chris... T'avais-tu une dernière vite-vite? Ah, let's go, on y va vite. Daniel Damon Epsom, un fugitif de Victoria en Australie, a pris contact avec la police et leur a demandé de mettre sur Facebook une meilleure photo de lui dans leur affiche de recherche. La police de Victoria a partagé la photo de Epsom sur la page Facebook officielle dans l'espoir qu'il serait reconnu par l'un des 288 000 abonnés dans l'heure qui suivit. Le fugitif a commenté le statut en demandant une meilleure photo de lui. Wow. Et on sait pas s'il a été arrêté ça par la suite. Ça, là, mais... Sacrément, c'est des belles nouvelles. Ça commence bien la semaine. Hein? On a une petite semaine tranquille, nous autres, parce qu'hier, on était chez nous, puis mon bon chum, Gislain Tachereau, finalement, il est venu. Il y avait Gislain Tachereau dans Name ma maison. Dropping, honest. Fait que, ouais, c'est ça. On a eu quand même pas mal de fun. C'était pas mal le fun. On a jasé, on a bandé. Tu sais, moi, il a raconté son histoire de pompier. Ouais. En tout cas, je pourrais pas tout vous raconter ça. Là, hein? Du bromance? Ouais, le vrai, le peu. Ouais. Toto, il est parti juste avant. Fait que j'ai pu faire comme le switch avec Gislain. C'était pas pire cool. C'était le fun, ouais. Chier. Allez, let's go, Nick. On poursuit. Invité. C'était, oui, c'était de la musique de la personne qui était supposée être là, c'est ça? Non, c'est invité. Tu te reconnais là-dedans. Salut, Laurent. Hey, ça va? Ben oui, Laurent Lassalle, on peut bonjour. Le dire. Ben oui, bonjour. Donnez-y. Bonjour, Laurent. Le jeu, c'est sérieux. Oui, le jeu, apparemment que c'est sérieux. Oui. J'ai entendu ça à plusieurs reprises à dans plusieurs ma vie. Reprises. Je commence à y croire. Oui, ben oui. Ouais. Puis toi, en plus, tu joues à des jeux vidéo, t'es comme bon. Ben, je suis pas pire. Okay. Giz est... Contrairement à ce que tu disais tantôt, Giz peut être excellent, mais il peut aussi être pourri. Puis on... des fois, on dirait... Non, mais des fois, on est complémentaires, Giz, come on. Fait que, on fait une okay, belle équipe. OK, c'est ouais. bon, j'emballe. Puis là, t'es venu nous parler de... Ouais, mais là, je suis comme le bouche-trou de dernière minute. Là. Un petit peu ça, comme ouais, un petit peu ça. Je me suis dit, aussi, t'as plein de followers, fait que là, je vais pouvoir te taguer. Ah, c'est ça, on va exploiter le filon. Non, tu fais bien. J'avais le goût de parler d'une nouvelle triste qui est arrivée. Parce que bon, ok, 70%, c'est drôle. Haha. Mais là, c'est pas semi-sérieux. Là, c'est très sérieux. Ok. Le PDG de Nintendo est décédé en fin de semaine. Ben oui. Samedi dernier, Satoru Iwata, ça fait à peu près 2 ans qu'il combattait un cancer. Il y avait une tumeur biliaire, donc. Yeah. Okay. Puis. Yeah. C'est ça. Malheureusement, la tumeur a eu raison de lui, puis le Nintendo a émis un communiqué très court disant que. On a un deuil à vivre. Est-ce que c'est lui qui est là depuis le début, les grosses Il n'est pas là depuis le début, puis c'est surtout ça qui est intéressant, c'est que celui qui est là depuis le début, puis on dit le début parce que Nintendo, c'est une compagnie qui existe depuis 1800 quelque chose. Ils ont fait à jouer au début. Exactement, non, ils ont fait plein d'affaires, ils ont fait des Love Hotel, je pourrais faire une chronique sur tout ce que Nintendo a fait avant. Mais même le premier jeu vidéo, c'était les Game & Watch. Oui, mais il y avait les Game & Watch, mais il y a aussi les arcades, ils ont essayé un paquet d'affaires. Puis je parle des arcades, des shooting rays avec des guns, des vrais guns. Ouais, okay, aujourd'hui, on a l'image de Nintendo qui est très enfantine, mais à l'époque, mais le monde il y a de faire ça réaliste. Ouais. Tu vois, moi, j'ai toujours cru que c'était comme 1983 ou 81. Non, Mario Bros. C'est sorti. Ben, en Amérique du Nord, on connaissait pas vraiment Nintendo. Mon Japon, ça existe depuis longtemps. Non, c'est Hiroshi Yamauchi qui avait ça depuis énormément longtemps. Et monsieur, aujourd'hui les PDG on les connaît un peu plus avec internet, etc. Là, tout le monde pense PDG d'entreprise, Steve Jobs. Puis Steve Jobs est un excellent vendeur, mais Steve Jobs est cruel avec ses employés. Il y a eu plusieurs cas qui ont été rapportés. Et quand on fait oui mais là on parle parle de Satoru Iwata qui était gentil, parce que je le compare avec Yamauchi qui était le premier PDG. Lui aussi, il était cruel. Lui, il n'engueulait pas ses employés. Il n'avait pas besoin de gueuler pour que ses employés chient dans leur culotte. Oh. C'était assez intense, mais ça gaulait. T'sais, avec lui, on a eu le Nintendo, on a eu le Super Nintendo, Nintendo 64, puis on a eu la GameCube. Fait que, là, c'est à partir du GameCube, une fois qu'il a été commercialisé, Satoru Iwata est rentré dans Nintendo à titre de président. C'est genre mais avant 2001-2002. Ben, il avait fait des jeux. Mais c'est ça, Satoru Iwata, depuis 1982, il travaillait pour une entreprise qui s'appelle All Laboratories. C'est Kirby, c'est Smash Bros, également Earthbound. C'est un paquet de jeux de notre enfance. Mais c'est pas toujours les jeux hyper populaires, mais c'est des jeux cultes. Donc, puis le dude a conçu des jeux vidéo, a programmé des jeux vidéo. Il était très bon codeur. D'ailleurs, justement, Giz, en apprenant la nouvelle, il m'a informé de quelque chose que je ne savais pas. Apparemment que Satoru Iwata est celui qui a réparé Super Smash Bros. Melee. Parce que le code était, je sais pas, il était marde. Il allait directement dans le code. Puis il y a plusieurs... on a pu voir un paquet de citations de la personne, comme je pense qu'il avait dit au Game Developers Conference, ça fait peut-être 5 ans. Sur ma carte d'affaires, ça dit président d'entreprise. Ma formation, c'est programmeur et développeur de jeux vidéo. Mais dans mon cœur, je suis un gamer. Puis vraiment, le gars, il était gentil avec ses employés. Il encourageait beaucoup l'expérimentation. Avec lui, on a eu la Wii. Puis ça a quand même été un grand succès. Oui, on a eu la Wii U, ça a été moins bien. Puis d'ailleurs, par exemple, la 3DS au début, les ventes n'étaient pas vraiment au rendez-vous. Puis étant donné que lui se sentait responsable de ça, il a accepté de subir une baisse de salaire de 50%. Tabarnak! Les employés étaient stressés de perdre leur job. Ça a l'air qu'il a vendu sa troisième maison. Moi, je pense que le cancer a été payé par les autres PDG parce qu'il avait toute l'aide de détruire. Sincèrement, il était à son affaire. Puis justement, il était très programmeur. Puis dans le temps, quand justement il réparait le code de Super Smash Bros. Melee, il était président de Nintendo. Il était supposé payer quelqu'un qui fait ça. Non, mais Puis même dans le temps de Hall Laboratory, il disait, oui, on codait genre jusqu'aux petites heures du matin, mais j'étais également en charge de commander la nourriture, j'étais en charge de vider les poubelles, de nettoyer le plancher. C'était une petite compagnie, puis lui, il faisait tout, puis ouais, il était super ça. Heureux. Ben, là, chez Nintendo, on imagine que c'était pas le cas, mais quand même, il était très proche des employés, même très proche des fans. Il était sur Twitter. Je veux dire, évidemment, le gars, il parle japonais, il casse l'anglais, il a un accent gros comme la vie. Ça le rend super sympathique. Puis récemment, on l'entendait justement au Nintendo Direct, les espèces de conférences vidéo que Nintendo fait une fois ou deux mois, trois mois pour annoncer une nouveauté. Puis il animait la petite conférence, c'était bien cute. Non, man, moi, je suis triste, je suis vraiment triste. J'ai eu de la difficulté à travailler aujourd'hui. Puis il y a eu vraiment une montée de ça, je regardais ça avant de rentrer, montée des dessins des fans. C'est sûr qu'il y a énormément de fans de Nintendo, mais en plus, c'est vrai que c'est un Chris de bon gars. Puis il y a un paquet de personnes, justement. Il n'y a jamais eu ça pour Jobs. Non, mais c'est ça. Des acteurs de l'industrie du jeu vidéo, des présidents d'entreprise, tout ça, ont tous écrit des mots puis de sympathie. Puis c'est sûr que quelqu'un meurt, généralement, on est tous sympathiques. Mais là, c'était senti pour une bonne portion de ça. Ouais, c'est le Joe Beef des jeux vidéo, ouais. On aime ça. Voilà. T'as parlé tantôt d'une affaire que t'as dit, lui, il se considérait comme un gamer. Ouais. Penses-tu, toi, que dans l'industrie des jeux vidéo, ceux qui les font, j'espère la majorité se considèrent comme des gamers? Non, mais ce qui arrive, c'est que justement, si je fais encore une comparaison avec Yamauchi ne programmait pas. Ouais. Yamauchi, c'est un entrepreneur dans le tapis. C'est pour ça qu'ils ont essayé un paquet d'affaires. Les jeux vidéo, ça marchait. Mais lui, c'était pour faire rouler l'entreprise puis pour que ça fonctionne. Mais d'après toi, un produit n'était pas livré à temps, le gars, il gueulait ou il... Il mettait du monde dehors pour que les choses avancent, mais avec lui, les choses sont pas en retard. Déjà au Japon, la notion d'être en retard sur quelque chose, c'est pas quelque chose de constant. Non. Moi, je suis arrivé en retard. La première fois que j'étais allé au Japon, je suis arrivé en retard pour mon vol de retour. Puis là, la compagnie aérienne était comme, comprenait rien. Ben là, il est trop tard, l'avion est parti. Puis là, il reste figé. Vous êtes japonais maintenant. Fait que là, j'étais comme, c'est parce que vous allez me booker dans un autre vol. Ah! Ouais. OK. Dans le fond, c'est moi qui j'ai fait mon bully, là, mais ben je veux dire, sinon, je serais resté jamais là, puis il ne s'est rien passé. Mais... Ah, est-ce que d'après toi, excuse-moi, oui. J'aimerais savoir, l'avenir de Nintendo, est-ce que tu penses que c'est en ce moment entre de bonnes mains? Ou Je crois que oui, en fait, pour l'instant, là, c'est pas clair si c'est temporaire, mais c'est Shigeru Miyamoto, donc Monsieur Mario. Super Mario, qui va remplacer Satoru Iwata avec l'aide d'un autre administrateur dont j'oublie le nom. Mais c'est du monde. Moi, je pense que Nintendo, c'est très facile. Ça doit faire à peu près 20 ans depuis qu'il existe qu'on dit non, ça va péter. Quand Sony est rentré dans le portrait, non, ça va péter. Quand Microsoft est rentré dans le portrait, mais chaque fois, ils ont survécu. Oui, Sega s'est retiré du marché des consoles, puis s'est renouvelé en faisant des jeux. Puis bon, ça va un peu moins bien de leur côté. Mais Nintendo, toujours réussi à sortir un as de la manche. Tel un magicien. Et voilà. Tu sais, on sait pas, peut-être que les Amiibo, c'est l'avenir de Nintendo, mais moi, j'espère que non. Et d'ailleurs, en parlant d'objets à collectionner, c'est sûr et certain, parce que ça existe pour vrai au Japon, en Asie, plus cette culture-là, mais il y a réellement des cartes de col blanc, de PDG d'entreprise. Pour de vrai? Tu peux avoir comme à collectionner la carte de... C'est comme des cartes de baseball, comme des cartes de hockey, mais là, t'es comme... La fois que j'ai appris ça, j'avais checké, et la carte qui valait le plus cher... C'était le PDG de Suzuki. Puis parce qu'il jouait au baseball aussi. Sur sa carte de PDG, comme un combo. Il y avait lui qui jouait au baseball. Il était bien en baseball. Fait que là, c'est comme une carte de baseball en même temps. De PDG, non, je comprends. Baseball, pas, en tout cas. Pas de misère à le croire. Merci beaucoup, Laurent. Je te laisse le mot de la fin. Tommy, moi, je voulais juste ajouter quelque chose parce que c'est très important. Je voulais juste ajouter que. Dans un extrême élan de classe. Moi, chaque fois que je parle publiquement, peu importe, je peux être invité à un podcast ou quoi que ce soit, toujours un asti de guise qui arrive dans le portrait pour essayer de voler mon tonnerre. J'ai tourné un podcast en fin de semaine, pas une vidéo sur YouTube, là, ça va paraître cette semaine, Retour vers le rétro. Là, j'étais comme content, j'étais tout seul. Mais non, guise arrive. Hey, je suis l'invité mystère. Fuck. Bon. On écoute Giz, puis t'as le mot de la fin. C'est ça, ben, dans un énorme élan de grande classe, une heure après l'annonce du décès, il y avait des DS signés signés en vente à 10 000 $ sur eBay, ainsi que le chandail avec sa fameuse citation. Ouais, ben là, on a le c'est point quoi, de vue. C'est quoi la citation ouais, c'est laquelle, que, la sur ma carte, Que dans mon âme. Je suis PDG. Ouais, okay. Voilà, voilà. Okay. C'est pour moi qui a fait les chandelles du jeu. C'est la citation. J'ai rien à voir là-dedans. Ouais, ouais, ouais. Non, j'ai plus de classe. C'est la citation qui est revenue assez souvent, mais il y en a eu plein de bonnes. Si vous allez, je pense que c'est Ars Technica qui a fait un article avec, qui rassemble un paquet de citations, puis même il explique comment il voyait Miyamoto comme un rival à l'époque où il était développeur, ce qui est stupide parce que. C'était pas installé cette mentalité-là, mais lui il était comme j'aimerais ça qu'il échoue pour être meilleur que lui. Mais tous les jeux sur lesquels il a travaillé sont excellents. Ouais, en tout cas, bon, ben voilà. Merci beaucoup, Laurent, tout le monde. Hey! Let's go. Merci. Excusez. Oui. On vient d'avoir quelque chose d'assez pédagogique. T'as-tu appris, toi? Oui, j'apprends toujours, ouais, surtout quand Laurent parle. Et quand Guy s'interroge, j'apprends plus. Et voilà, c'est dit. Bon, ben, let's go, Nick. On passe au prochain. Bonsoir. Salut. Salut, Laurent. Allô. Alors, septième trace de break du passé. Je vous explique un peu ce qu'est trace de break du passé. Donc, j'ai eu envie de nommer les chroniques que je fais, trace de break du passé, pour redonner une dignité à des personnages marquants de l'histoire du Québec qui n'ont malheureusement su faire connaître du lectorat de TV Hebdo et, de ce fait, n'ont jamais accédé au convoité mythe glamour de la célébrité locale québécoise. Et ce, pour des raisons que vous jugerez par vous-même. Nullement à l'égal de leur originalité ou même de leur unique particularité mondialement non reconnue. Par souci d'équité et d'honneur, je m'improvise comme l'anthropologue artistique underground, les talentueux freaks qui nous entourent, mais dont la carrière n'a pas su apparaître dans les postes de télé qui font qu'un artiste est bon parce qu'il passe dans cet écran que l'on retrouve allumé, comme un dictat du bon goût, dans la grande majorité des foyers de la belle province. Ce même public, essentiel à l'appréciation de ce qui existe, parce que c'est ce qui existe, et qu'il faille bien aimer, en ces jours d'abusive américanisation, quelque chose. Trace de briques du passé. Ce fut le salut des mal-aimés, des injustement oubliés et bien souvent représentatif du talent local indiffusable. Sur le réseau Cogeco, qui lui sait et dicte la voix réelle télédiffusée, celle au goût du jour à 19,99. Et en grande annonce, ce qu'on appellerait une nouvelle incontournable si elle provenait de la bouche de Jean-Luc Mongrain, je vous annonce donc moi-même, évidemment sans l'éclat habituel d'une manchette ce soir, à 70%. Trace de break du passé vient d'être sélectionné pour faire partie d'un reportage sur les chroniques sombres qui ne passeront pas à l'histoire des chroniques, mais qui auraient pu et auraient dû marquer gauchement leur temps parmi les chroniques glauques et mal aimées. Wow! Ah, c'est, ouais. C'est félicitations! Merci. Wow. Félicitations, enfin. Un honneur mérité. Alors, trace de break du passé numéro 7. Ce soir, je vous présente Snotty Gingras. Peut-être est-ce vraiment la première fois que je vous parlerai d'une trace de brique du passé qui a pour sujet un véritable génie? Quand je vous dis génie, c'est bien entendu quant à son unique façon. En effet, Snotty est maintenant un compositeur chevronné, doublé d'un morphologue, un spécialiste des muqueuses, une branche encore méconnue de la scatologie. En d'autres termes, Snotty Gingras produit de la musique en projetant sur des objets divers ses crottes de nez, ses morvias et, par extension, tout ce qui sort de son corps et qu'il est en mesure de mettre en boule pour en faire un projectile. Mais... Mathieu, alors, Mathieu, un connaisseur de Snotty, il n'y en a pas beaucoup, mais bon. Mais ce talent s'est développé en lui tardivement pour des raisons qui lui auraient été difficiles d'anticiper. Il n'est pas non fréquent que Snotty, grâce à son oreille absolue, vous dise la note qu'a fait votre paix. Vous l'avez sûrement vu, encore Poupon, sur les pots pour bébé. C'était lui. Oh, ben oui. C'était Snotty. Le bébé Gerber. Mais on n'aurait jamais pensé, hein? Mais attendez. De plus, Snotty provient d'une riche famille d'Outremont, encore très axée sur Jésus, les commandements, le pape, les hosties de nos jours sans gluten, en guise de cannibalisme imagé autour de l'amour, j'ai nommé la religion. La catholique, de surcroît. Déjà très jeune, des adolescents enveloppés de tissu avec un logo qui donnait un prix farfelu à leurs habits, taquinaient le junior Snotty en le traitant de scatolique, ou encore de caca-tolique. Mais sa foi ne bronchait pas. Sans doute, cela était-ce dû à une réaction infantile contre l'autorité, mais le fait reste. Snotty vécut une enfance complexe. Du fait qu'au lieu de vivre sainement sa crise d'adolescence en rébellion, ce sont ses parents qui se sont tournés contre lui en raison pour sa passion fétide pour les débris du corps. Reprenant ses mots, les fluides délaissés. Encore aujourd'hui, il admet difficilement que d'offrir un chapelet en crotte de nez vernis aux cérumènes à sa pieuse grand-mère paternelle et cardiaque eut quoi que ce soit à voir avec son fatal infarctus. Mais attendez, je crois que ma façon de dépeindre Snotty jusqu'à maintenant vous induit en erreur. N'imaginez surtout pas que notre génie de la répugne ait d'aucune façon quelque chose de malpropre. Débectant sa passion, oui. Snotty en était conscient. Snotty lui-même est maintenant d'avis qu'il soit allé trop loin et que sa santé même en avait souffert. Sa période excrément avait définitivement réussi à l'isoler et même à le mettre à la rue sans autre forme de procès. Il était maintenant éteint. Il était maintenant atteint de fécalité. Non, de fécalite, pardonnez-moi. La fécalite, c'est une maladie. Une maladie qui tourne sa malheureuse victime en étron humain. Pour vous résumer, Snotty confectionnait des sculptures, au talent indéniable, faut-il préciser, mais toutes faites en caca. Des crottes ayant provenance diverses, chiens, chats, humains, et même plus. Inutile de vous décrire l'ambiance olfactive. Pendant ses études, pour payer son loyer, il s'est même improvisé dealer. Oui, dealer de drogue indépendant. Son produit, la cacaïne. Les peu nombreux clients qu'il a su rendre accro à son produit sont maintenant soit morts ou fortement enclins au Parti conservateur du Canada. Vous avez, je mentionnais que... Pardon? La cacaïne, un fléau. Oui. Ça fait renifler. Vous avez mentionné que Snotty était champion au jeu du petit cochon? Non. Oui. Personne ne le bat. Et il est roux. Il fait aussi de la plongée en apnée dans les marécages. Mais il y avait toujours Jésus. Ce Jésus en lui... qui n'en faisait aucun doute que la création de cette multitude, cette panoplie d'excréments disponibles, pouvait ne mener qu'au salut. Il eut plus d'une fois de violentes obstinations avec des prêtres quant au manque flagrant de détails sur la condition des parois nasales du Christ dans le Nouveau Testament. Mais, par ses non-orthodoxes habitudes, Snotty s'est forgé une solide réputation au laboratoire de l'Université de Montréal où, de façon hebdomadaire, il faisait analyser ses déchets corporels variés, vous aurez deviné, les siens. En presque 12 ans, pour les employés du laboratoire, son involontaire pseudonyme est passé de simple escatophile à amoureux des crottes, à époux du fétide, à chevalier du stupre, et pour finir, le nom le plus éloquent, en raison de ses brillants diplômes, docteur Gingras. Mais soyons francs, beaucoup plus connu dans son dos, évidemment, sous l'alias tout simple, mais ô combien éloquent, docteur Caca. Cette non-notoriété, cette absence de reconnaissance concernant son aiguë spécialité sur la marde mondialement reconnue, c'est cela qui peinait le plus notre Snotty. Malgré son statut d'académicien de haut niveau, son surnom, qui le précédait malheureusement toujours, était le seul connu de mémoire d'homme à être traduit. Docteur Merde en français, Docteur Poo en anglais, Docteur Scheiss en allemand, Slack Lamartsky en russe, Doc Ishimu en japonais, et ainsi de suite. Avant d'expulser ses frustrations morphologiques par la musique, Snotty a pensé au suicide. Vous vérifierez dans le livre record Guinness, Snotty Gingras est le seul humain connu à avoir tenté un suicide par immolation d'excréments. Cette épopée manifestement n'aidant en rien à stopper l'ironie, en plus de renforcer mondialement de façon indélébile le personnage involontaire que représentait Dr. Crott, il trouva en la musique un exutoire. Une façon d'évacuer la vapeur de façon sympathique. Il voyait un autre moyen que la merveille que le corps humain possède pour évacuer ses déchets. Ce qui lui sauva littéralement la vie. Il était convaincu que ses œuvres musicales étaient l'équivalent du caca qu'on produit après avoir ingéré de la nourriture. Seulement, auditivement, comme des déchets produits après l'écoute des radios commerciales. Pour ne pas oublier son passé chrétien, auquel il avait renoncé en raison de la piètre présence d'éléments historiques absents comme l'acné de Jésus ou le cérumen de Moïse, entre autres, selon lui, d'une importance capitale pour l'authenticité de sa foi. Il choisit donc méticuleusement le genre de musique qu'il produisait par le terme « scatomusique », mais avec un H. Snotty est décédé brutalement. Lorsque une expédition de retraités dans les marécages de la Floride eut confondu Snotty et la légende locale Poopoo Man, l'homme étron, le monstre du Loch Ness en crotte du sud américain. Il nous laisse cependant un vaste répertoire qui s'est glorifié la fonction anale. Alors, il y a crotte de Nélévesque, le laxatif c'est de la triche, de Third Reich, rock around the crotte, le booze du businessman. Rock around the crotte. Third Reich. Excrémenstruation. Mais la pièce... Oh my God. Ouais, c'est dur à dire en plus. Excrémenstruation. Oh Excrémenstruation. Bon, mais la pièce que j'ai choisie ce soir est pour moi son chef-d'œuvre, probablement celle qui a le plus plu par sa simplicité. Je vous présente donc ce soir à 70%. Le caca, c'est de la merde. On prend la petite pause avec ça. Merci beaucoup. Voilà, Laurent, on écoute la chanson de Snotty Gingras. On vous revient juste après la petite pause du milieu du show. Ça va être fabuleux, ça. Merci, Laurent. Merci, Laurent. J'en ai appris. La pause avec un petit segment de karaoké courtoisie de Johnny Publicité. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? des coupeurs. J'm'en calisse de ce qu'ils disent de nous autres anyway. J'm'en calisse de ça. J'm'en calisse de ça. Merci! La. Salut Amé! Salut Tommy! Hey, est-ce que t'as entendu ça, toi, là? Je m'en calisse de toi! Non! Ça parlait de Francis Reddy et de Marie-Soleil Touga. J'aimerais ça l'entendre. Ça vient juste de passer. T'étais dehors, toi. Oui, oui, je faisais l'appel d'immobilier. Et voilà, il faut ce qu'il faut. On vend des maisons dans le break. Toi, en tant que vendeur, agent immobilier, en fait. Courtier immobilier, voilà. C'est le bon terme. Est-ce que t'as déjà mis ta face sur une affiche? Mes anciennes affiches, j'avais ma face, mais il y avait des gens qui étaient pas fins qui m'ont fait pendant Movember des moustaches. Alors j'ai. C'est toi, hein? C'est vraiment souffrant ce ouais. que tu vis. Fait que j'avais l'air d'un pédophile sud-américain. Alors je me suis contenté. Tout le monde sait que tu viens d'Égypte. Oui, oui, c'est ça. L'immigranie, on dit. L'immigranie, oui. Alors je me suis contenté d'écrire mon nom seulement. Puis une fois, j'ai eu Amir Gauchishtaouk, Latif. Fait que c'était bien. Oh, c'est super bon. Une fois, quelqu'un a barré Latif, a marqué Kadir. Fait que j'ai tout entendu. Est-ce que mettons, toi, t'as des collègues courtiers immobiliers. Est-ce que des fois, vous parlez de vos photos? Parce que moi, j'adore les courtiers immobiliers parce que j'adore les gens contents. Puis les représentations les plus réussies de quelqu'un qui est le plus en extase, ça a tout le temps été des photos de courtiers d'assurance ou courtiers immobiliers. Oui. Ils sont vraiment comme... C'est comme Noël tout le temps, puis ils ont leur famille morte qui est revenue, genre... Ben, en fait, il y a trois catégories de photos. Il y a les ça, gens... Ça, c'est-tu comme de l'insider? Non, c'est moi qui a come up avec ça tantôt. OK. Justement, je parlais de ça avec quelqu'un aujourd'hui. Il y a des gens qui font des jeux de mots avec leur nom et tout ça, puis ils font des affaires pourries, comme par exemple... Il y avait un gars avec un chapeau country, puis il se marquait le courtier qui a du panache. En tout cas, c'était vraiment à chier. Non, c'est laissé à l'imagination. Ouais, mais je dirais pas de nom parce que, tu sais, peut-être qu'il entend. Ok, ben. Quoique Google, ça marche maintenant. Oh. Et voilà. L'autre affaire que j'avais vu à un moment donné, c'était. L'autre catégorie, c'est des gens qui sont extrêmement heureux. Mais pour aucune raison. Puis ça, c'est mes préférés. Oui, ça, c'est comme les cadeaux de Noël qui sont désemballés. Là, ouais. Exactement, j'ai fait ma bonne action hier, je t'en soude, puis tout. Puis t'as les gens qui ont l'air des... Comment dirais-je? Les artistes incompris. OK. Tu sais, les artistes d'art abstrait qui vendent des choses qu'on comprend pas c'est quoi. Mais pas ceux qui sont beaux, ceux qui sont pas beaux. Ceux qui justifient pendant 45 ans qu'ils sont dans l'art abstrait, on comprend pas c'est quoi. Puis ils ont une face de... Comme, mettons, quelqu'un genre... Son famille, c'est genre Dupuis. Genre, tu remplaçais la photo par Wolfgang Amadeus Dupuis dans la photo. Comme ça ici, là, ça n'a pas de sens. Là. C'est laid, je comprends pas. Décidé, genre. Ouais, c'est ouais. Ça. Mais je suis contre les photos à prime abord, sauf sur les cartes d'affaires, parce que les gens vont dire « Ah, okay. Ah, c'est lui, OK, que je rencontre. » Mais la photo sur la pancarte, mais toi, t'es styles, juste là. Contre parce que t'as l'air sympathique, pas content, B.A. Ouais, ça, mais comme dans une photo, j'ai juste l'air comme con. Fait que non. Et puis si t'aimes pas te faire des moustaches, t'es pas fait pour la... C'est vrai. C'est vrai, j'ai une barbe à la place. Bon, ben Amir, merci d'être encore avec nous pour merci la à toi. Fin du show. Let's go, Nick. On passe au prochain chroniqueur. S'il est là. Oh, ça va en prendre un. I believe in the chroniqueur miracle. Ben, ça marche pas, ça joue pas. Fait que c'est Julien Bernatchez qui va Bernatchez! Parler de BD. La la la la la la la. Chronique la, BD. Oh yeah. Allô. Avec Julien Bernatchez. Salut Julien. Salut Tommy. Colin, désolé que ton indicatif marche pas, il est peut-être rouillé. Genre. Ouais, écoute, on l'a tous oublié. Fait que c'est ça, là, c'est là qu'il faut qu'on s'installe. Ouais. Ben, t'es chez vous, fais comme chez vous. Ah, je vais aller m'installer au fond de la salle d'abord. ben c'est ça, moi ça fait quand même plusieurs années que j'avais pas fait de chronique BD à 70%. On a commencé ça quoi en 2009? Mes participations. Oui, oui, oui, tout a commencé en 2009. De quoi de même? Ça fait longtemps, puis j'ai réalisé pourquoi tu faisais aussi longtemps, finalement, que je n'ai pas fait. Parce que c'est pas agréable. Ben, toi, t'es spécialiste BD aussi, puis... Ouais. Ouais, mais moi, je suis un spécialiste. Si je le dis, ça, je le deviens. Ouais. Puis on n'a pas fait de BD du tout depuis que tu es parti, en passant. Ah, ben, vous avez rien manqué. Non, je les ai toutes lues. Puis honnêtement, il n'y en a pas une de bonne. Peut-être un Torgal. Ouais. Font-tu encore des Torgals? Ouais. OK, bon, mais... Il y a un nouveau Ricochet qui vient de sortir aussi. Nouveau Ricochet. Incontournable, tombe 98, Ricochet. Manquez pas ça. Je suis allé chercher, tu sais, je me suis dit, bon, ben, on va revenir en force, on va trouver quelque chose d'intéressant, quelque chose, un incontournable, un mal-aimé peut-être. Les Québécois tombent deux. Voilà. C'est beau. Yeah, boy. Tombe okay. Deux. Voilà, c'est ça, c'est par un certain Yo, Y-O-H. Je sais pas si c'est un gars qui aime le rap, mais... Y a pas de hash au rap. Y a pas de hash au rap. Bon, on fume du hash, mais y a pas de... Ah, c'est vrai. C'est ça. Ben, écoutez, j'ai... durant toute ma lecture, qui m'a un peu gêné dans mon milieu de travail, je disais ça à job, à aucun moment, j'ai passé proche de rire. aucun moment. Sinon, ben, c'est ça. La couverture est dure, ce qui donne une certaine crédibilité au livre, j'imagine. L'intérieur fait dur aussi. C'est le tome 2. Je n'ai pas lu le tome 1. Je ne le lirai pas, mais on va se donner une chance. J'ai quand même saisi globalement qu'est-ce que c'était. Qu'est-ce que c'est? C'est comme un safari cartonné, un peu. Ça, tu veux pas ça. Il y a des bons auteurs dans Safari, il y en a quelques-uns, mais vous comprenez ce que je veux dire. Là. Est-ce que c'est comme des blagues à chaque page ou c'est une histoire? Ben, on va faire le tour. Je vais me donner un peu d'espace. Ah, une chronique BD à 70%, c'est fou. Hein, on s'est revigoré, hein? Toi. Tu te souviens de ma chronique où est-ce que je recevais Astérix et Obélix puis j'interviewais les deux en même temps? Oui, oui, oui. Je faisais les trois voix. Oui, oui, oui, oui. C'est une horrible idée. Je pense que c'était à TV, en plus. Oui, c'était à TV, là, tout croche. On n'était pas HD ouais. Encore. Ah, Astérix, ça va? Obélix, non! Oh, oui. Non, c'est fini. Il s'appelle Xvi. Non, Obélix, c'est 16 en chiffre romain. Ouais. Je suis plus la même personne. Couverture dure, je l'ai dit. Alors voilà, ça y va par thématique à toutes les trois pages, ça change de thématique. Fait qu'on va faire le tour. les vacances d'été, hein, c'est des thèmes chers aux Québécois, donc c'est fucking déprimant. là, supposons, ben là, c'est les vacances d'été, fait que là, il y a le. Je sais pas. Ensuite de ça. vive le camping! Puis là, c'est des blagues de camping. Le rire est au rendez-vous. Ensuite de ça, on va au cinéma. Alors là, c'est supposons, parce que j'imagine qu'il est juste au Québec qu'on va au cinéma. Ils vont au cinéma pendant trois pages, puis là, ben, c'est ça, c'est des gags, supposons, sur le fait que les popcorns sont donc rendus gros. puis que ça coûte donc cher aller au cinéma, même si ça coûte bien moins cher qu'aller voir des spectacles, mais en tout cas. Ben ça coûte trop cher, mais c'est bon. Ensuite de ça, après ça, le jeu d'argent, parce que les Québécois ont tous des problèmes de jeu. Évidemment. Oui, ben ça nous occupe. Hein. Ensuite, aussi, à soir, on sort veiller. Là, ça, c'est sur à propos de sortir dans les bars. Les Québécois font ça. Fast food, parce que les Québécois sont friands de bouffe grasse et tout ça. Subway. c'est ça, ce bout-là, je l'ai moins aimé un peu. Oh, là, on est dans la période creuse. Ouais, là, c'est le bout creux. Là, ici, aussi, j'ai bien aimé cette section-là. Retour aux années 80. Là, c'est comme tout le temps la même joke. C'est genre comme quelque chose qui a vraiment beaucoup pogné ou à l'inverse, qui n'a vraiment pas pogné. Puis que là, la personne fait ça marchera jamais, ça, ou ça va marcher. Voilà, par exemple. Ils vont voir le déclin de l'Empire américain, puis là, ils disent, ben non, ça parle tout le long, c'est plate, dans deux semaines, tout le monde va oublier ça. On l'a pas oublié! C'est un des plus grands films québécois. Wow, ensuite, ouais. Il y a le gars, il travaille à Musique Plus, puis là, il dit, voici Never Gonna Give You Up de Rick Astley, un autre feu de paille qui sera vite oublié. C'est quand la même, c'est la même joke. Deux cases, une par-dessus l'autre. Là. C'est wow. Pas... Là, lui, travaille chez Microsoft. Qu'est-ce qui arrive? Bon, voilà, c'est ça, on a compris. Puis, puis à date, quand même, c'était... Oh non, j'avoue que le déclin de l'Empire américain, ça fait québécois un petit peu plus que Rick Astley. Ouais, disons. Ben, il était très à musique plus, fait que tu sais. Voilà. Ici, trois pages sur le snowboard. Là, ça me faisait vraiment penser à Safari, rendu là. Je sais pas pourquoi. Je trouvais que des jokes de snowboard, ça faisait Safari de 1998. Mais le problème, c'est qu'un Safari, c'est comme 3,75 ou je sais pas quoi, parce que je n'ai pas acheté comme tout le monde ici. Là, mais tandis que ça, c'est comme 15$. Fait que tu perds au compte, là, pas mal. On continue. Les geeks fanatiques. Ça, c'est sur les geeks, comme Giz. Giz. Mais fanatiques, je sais pas pourquoi. Là. Fait que là, ben, y a des jokes Star Trek contre Star Wars. Et bateau. Puis là, j'étais vraiment, vraiment tanné de le lire. Rendu là. Puis là, on était comme... On est à la page comme 30, puis j'ai de la misère. Puis je voulais le lire au complet. Les bœufs, là, c'est sur les policiers. Mais évidemment, ben, ils vont pas faire comme sur la violence dans le printemps érable, parce que ça demanderait des couilles, là. Fait que c'est à propos que les bœufs, ils mangent des beignes. Bon, mais voilà. C'est RBO 85. Là, qui sont les auteurs de ce merveilleux chef-d'œuvre? C'est Yo! OK, c'est son nom. C'est Yo! Je pensais que c'est la devise du gars qui a écrit ça. Okay. C'est une vieille tradition québécoise, évidemment, la Saint-Valentin. Alors, c'est ça, lui, non, ça va faire. Ensuite de ça, les vieux, les Américains. De quoi ça parle dans le bout sur les Américains? Les Québécois! Ça parle des Québécois, mais ouais, liberté. Ça parle d'argent, ça parle de Plattsburgh. Ça parle qu'ils sont gros, puis qu'ils mangent des grosses portions au restaurant. Ouais, c'est pareil comme dans les bouctouches. C'est assez similaire. Ensuite de ça, les maudits voisins. Moi, je sais pas pour vous, mais moi, mes voisins, ça va, là. En tout cas, c'est correct, là. T'es entends des fois, là, mais tu sais, ça va, là. Mais en tout cas, voilà, les maudits voisins, trois pages de rigolade sur le fait que les voisins, on les entend baiser. Et ensuite, en terminant, qui est en vacances cet été? Puis là, ben là, on voit comme un sprint de clichés. Il y a le douchebag, le gamer, le père de trois enfants, le chômeur, le BS, l'étudiant, le roux, le geek, les zombies, tradition québécoise. Même le roux a le droit de vacances. Même le roux a le droit de vacances. Puis la finale, là, t'as deux hosties de BS assis sur une chaise de patio qui disent « Ben là, ils ont oublié de parler de l'hiver, des étudiants, des écolos, des dépanneurs, de Noël, du magasinage, du 1er juillet, puis des BS. Ils n'ont même pas parlé de nous. Coudon, on sert à quoi? » L'autre dit « Qu'est-ce que tu dis, le gros? Lis donc ton main! » C'est dans le tome. C'était, si vous vouliez, si vous avez été très satisfait de votre lecture du tome 2, puis par hasard, vous n'avez pas lu le tome 1 comme moi, c'est dans celui-là qu'on peut retrouver, si semble-t-il, tu avoir tes les blagues d'étudiants de BS de Noël le 1er juillet. Alors, il va sans dire que j'ai assez hâte au tome 3. On espère que ça... Écoute, c'est une manne sans fond. On imagine bien qu'il y a autant d'albums que Ricochet. Là. Les Québécois tombent 78. C'est ça, les dessins sont corrects. Sinon, je vous dirais que dernièrement, je suis allé chez le dentiste en peine d'amour, puis ça a été moins pire que ça un peu. Alors, je vous donnerais quand même, 8,5 poutines sur 10. C'est bon. Poutine, parce que les Québécois, bon la poutine, on aime ça. Ouais. Alors, merci beaucoup, Julien Bernatchez. Les Québécois tombent 2 de Yo. Très plaisant de t'avoir revu, mon cher. Tu repasseras nous en lire d'autres d'en face demain. Très belle découverte. Une fois ou deux ans, maintenant. C'est pas vrai que t'étais là à foire passé. Oups. C'était le fun. Bon, toi, ça va, Amir? Oui. T'es prêt pour la suite? Tout à fait. Let's go, tech d'amour. Technicien d'amour. Les grands voyages de l'amour, c'est de Alexander Robotnik, chanson italo-disco de 1983 que GS, mon remplaçant, il m'a choisi pour souligner le passage de Giz et de Laurent, parce que c'est comme de la musique proto 8-bit Nintendo avant le temps, hein? Avant, dans le temps où il y avait juste l'Atari, puis on s'entend que l'Atari c'était de la crise de marde, la musique, hein? La musique d'Atari, il n'y a pas une bonne toune d'Atari. n'a pas beaucoup. Ben, E.T. Je me rappelle... C'était assez monotone. C'est pas très classique. Exactement. C'est ça. Fait que c'est ça. En plus, ben Alexander était là avant le docteur Robotnik, hein, pour ceux qui se connaissent. Le docteur Robotnik de Sonic the Hedgehog. Sinon, ben, moi, j'étais un gamer, hein. Moi, si tu me donnes Leisure Suit Larry, Steve Custer Revenge, le grand, moi, je suis dedans en esti. T'es capable. Moi, c'est mes jeux préférés. Des nipples en pixels. Des nipples à 4 pixels, esti, toute la quête, le grand. C'est hot. Oh, bonjour, les amis. Êtes-vous de bonne humeur? Ouais! Ben, moi aussi, hein. Je me remets d'une grosse brosse, là, pis là, je suis content. Ça fait deux jours, là, que j'étais sur le cul, pis là, ça va bien. Là, avant de commencer mon affaire, on va parler un peu de la liberté d'expression sur l'Internet. Hein? Clairement, il y en a qui devraient fermer le gueule. Hein? Des gangs de caves puis des attention whores, il y en a en esti de grain. Puis, il y a depuis quoi, deux semaines, il y a bien des vierges offensées puis du monde, des saintes nitouches puis des en tout cas, du monde qui m'énerve. Puis moi, j'ai un petit message pour régler le dossier JF Mercier. Ah oh boy, c'est encore là, ça? Ben, est-ce qu'il y a le suffixe « gate » à ça? C'est-tu le Mercier « gate »? Bon, ça s'en va là. Il y a des répliques d'un bord et de l'autre. Ah, puis ouais? ça surenchère. Puis okay. Ça veut de l'attention. Hein? Bateau. Moi, j'ai entendu dire qu'il répondait à tout le monde en 9 paragraphes sur son thread sur Facebook. Ouais, quelque chose du genre, ouais. C'est vraiment comme sauter à pieds joints sur la fourmilière. Là. Il éteint pas le feu, lui. Il attaque. Ouais, sa défense, c'est l'attaque. En tout cas. Fait que pour les vierges offensées, esti... arrachez-vous les yeux. Hein? Puis si vous êtes un gars, arrachez-vous le chaf. Si vous êtes une femme, faites-vous poser un pénis. Voilà, dossier réglé. Eric Carmen is in the house. C'est monac, esti, hein? C'est ça que ça prend. C'est des solutions qui vont très bien vieillir. Ça va bien vieillir, oui. Bon, fait que c'est ça. Moi, depuis l'affaire de JF Mercier, là, tout ce que j'ai en tête, le grand, c'est qu'est-ce que tu penses? Me pogner une belle éthiopienne cochonne qui va me dévorer comme un cornet à crème à glace à vanille. Ben, je suis comme je peux dire ça. À vanille, le grain. Dans son village. Allons donc. C'est tout ce que je pense, moi, là. Fait que on va passer à la correspondance des années 80 que j'ai volée à mon remplaçant, Jean-Sébastien, pour le faire chier, parce qu'il m'a dit, il vient faire ça à ma place, parce que moi, je n'ai plus beaucoup. Puis je suis allé voler son magazine. Puis je viens faire sa place. Fait que la première, c'est « Je recherche un garçon prénommé Claude ». Il était dans la revue Wow de décembre 85. Il était photographié avec Jérôme pour leur fête. Linda Grandbois de Malartic. Est-ce que tu penses que les chances sont bonnes? Non. Non, hein? Spotted. Même à l'époque, je pense pas que les chances étaient non. Super bonnes. Puis à l'époque, elle traversait le parc pour aller à Malartic, c'était encore plus dangereux, chiant que maintenant. Pauvre Martine. Linda. C'est ça. C'est un nom de l'époque. Hein? Ouais, y en a des noms d'époque dans celle-là. Ah ouais, ben, écoute. Le deuxième. Salut tout le monde. J'aimerais que vous m'écriviez une lettre pour me dire qui sont vos groupes ou chanteurs, chanteuses préférés. Ça, c'est quelqu'un qui a clairement pas beaucoup de temps sur ses mains. Hey, même un statut Facebook, oui. C'est ça, ça nous tente comme et moyen. Ça, et ça continue avec « Et je vous dirai qui a gagné le plus de votes et je vous promets que je répondrai à toutes les lettres si j'en reçois. » Quelqu'un qui a beaucoup d'estime de soi. Et beaucoup de temps. Et beaucoup de temps à donner aux autres. Ouais. Hein. Ou un pouvoir de prémonition. Magie. Véronique Pelletier de Orléans, en Ontario. Ouh. C'est la première fois qu'on lit quelqu'un de l'Ontario, je crois. Peut-être. Numéro 3. Salut la gang d'Éduc, la plus folle de l'école L'Escale. Ça inclut Lapi, Cocon, Conrad et Armande. The fuck? Tu vois ce que je disais des noms de l'époque? C'est 1885. Ouais, c'est ça. On vous aime, Tijan et Tim. Ça a plus de chances d'avoir passé jusqu'à c'est la ça, personne. Ouais, le message peut se rendre dans ce cas-là. Ouais, puis c'est, ouais. C'est pas trop creep non plus. Non, c'est juste c'est pas comme la prochaine. Check bien ça en folle. OK. Allons donc. Mes remerciements à tous ceux qui m'ont écrit pour me faire une copie de Corey Art. Qu'est-ce que ça veut dire, ce calice? Remercier tout le monde qui lui ont écrit pour lui faire une copie de Corey Hart. Peut-être parce qu'elle avait écrit dans un autre Wow qu'elle voulait avoir des copies de Corey Hart. Et là, elle a reçu. Calisse, va au magasin, cette petite folle. Ben, ça doit être moins long. C'est bien moins long. Ouais, ouais, Chris. Ouais. Puis pourquoi, là, tu sais, faut écrire avant d'y envoyer. Asti, c'est ouais, weird. Ça a l'air fatigué. Ça a l'air d'être un jeu pour essayer de stalker du monde après. Tu sais, genre, ouais, donne-moi ton nom, après ça, on va te courir à après comme une folle. Odette de Waterloo, qui vous est très reconnaissante. Tu vois, une histoire qui se finit bien. Moi, je ne ferais pas confiance. Numéro 5. J'aimerais bien que l'un des 5 gars qui participaient au concours des sosies de Pop Express et qui était le plus beau des Duran Duran m'écrive. Je voudrais que tu m'envoies une photo. Geneviève Parent de Saint-Lambert. Je la connais, je pense. À charge, le gars le plus beau dans la gang de sosies de Duran Duran. Puis c'est à lui de décider s'il est le plus beau. Fait que ça, là, genre, 5 gars qui ont envoyé la même lettre, tant pis pour elle. Ouais. C'est pour ça que ça prend une photo, effectivement. C'est ça, c'est bien important dans ces magazines-là. C'est bien important. Ils ne répondent pas. Le plus beau, pas le deuxième plus beau. La prochaine. Je veux te connaître. J'ai 14 ans et je suis une fille simple et mature. J'aime avoir du fun et être sérieuse quand c'est le temps. Ça, c'est une fille très particulière. Ouais, elle est unique. Et c'est dur de trouver du monde comme ça qui aime avoir le fun et être sérieux quand c'est le temps. Ouais, ouais, ouais. Ben ouais. Je veux connaître des amis qui ont les mêmes intérêts que moi. Mais quels sont tes intérêts? Être sérieux, puis être sérieux et avoir du fun. Pas très humain tout ça. Ouais, reste open là. Tu sais, il faut que tu cherches. C'est la version archaïque de Tinder, je pense. Ouais, ben exactement. Oh, c'est clair. Ouais, total. De Caroline Sanson de Rivière-Baudette. Il n'y a personne qui vient de Montréal dans tes dans les ben, affaires. Des fois, hein? Oui. Ouais. La dernière. Salut! Tu cherches une copine pour correspondre? Ça tombe bien, parce que moi aussi. Tu rates de mic. Ça tombe... Je fais de la natation, j'écoute de la musique, je lis des romans et j'adore le cinéma. Et dernier et non le moindre, je suis capoté ben raide. Capoté! Capoté! Drink up to the capoté. Écris-moi au plus vite, Julie Benoît de Saint-Jean. Un jour, on va tomber sur quelqu'un qui en connaît une. J'espère bien. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un ici qui a fait ça, de la correspondance? Moi, jamais. Qui a correspondu. Une fois. Ben ouais, toutes les filles puis aucun gars. Moi, j'ai toujours rêvé, mais j'étais trop petit dans ce temps-là. Ah ben... Mais t'as toujours rêvé de pouvoir faire de la correspondance. J'avais spoté des filles, par exemple. Ben oui. Mais c'est toujours dit, quand je vais être petit grand, m'amener le grand Chris à Londres. On va trouver une cochonne. Ben, merci beaucoup, Eric Carmen, tout le monde. Salut! Ça apprécie. Toi, Amir, t'aimais ça, hein? Oui, oui, oui. Mais je pense que... Est-ce que je peux te montrer un tour de magie? Ben oui, on fait ça, là. On va essayer de faire ça pour que les gens voient. C'est un peu difficile sur une table, mais les gens vont voir... Oui, ouais, je sais. Table à la radio, tout va bien. On va essayer de le mimer, okay. Donc, vocalement. Alors, je vais laisser mon micro et tu me... Ben, je peux te le tenir. Oh, nice. Non, t'as pas besoin de... J'ai besoin d'une de tes mains, justement. OK. Shit. Tu me dis celui-là juste pour l'instant. Alors, Tommy, donc, Tommy... Ton la main. Je te vois ici et je pense que t'as une petite source ici de rouge. Oh! Alors, Amir a sorti un petit mouton rouge. Alors, le prochain tour va se faire en 10 étapes. OK? Et je vais déposer le micro pour qu'on le voit. OK? Numéro 1. Première étape. Le petit fucker qui fait apparaître des boules de Chris. C'est vrai, ça en fait 2, mais c'est 12, mais comme moins 2, 10. Tu sais, comme la chanson 70% au début divisé par 4 puis tout, là. Oui. Même chose. OK, alors regarde bien ça, OK? 10 étapes. On compte ensemble. OK. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Éloigne-toi. C'est super dangereux. 9, 10. Oh, tabarnak. Ah, ça, pour vrai, là, avant, on les brûlait. Hein. Maintenant, on mange des shishtaouk chez eux. Ouais, OK. C'est ça. On va recommencer. Ben, je pense que j'ai été trop vite, Tommy. Ouais, ouais. Regarde bien. Une dernière fois après. OK. OK. Mais cette fois-ci, j'ai besoin de ton aide. OK. Donne-moi une de tes mains. Ensemble. OK. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiens ça dans tes mains, ferme ta main vraiment fort. Regarde, Tommy, est-ce que tu sens le pouvoir en ce moment? J'haïs ce qui est en train de se passer. 1, 2, 3, ouvre ta main. Oh! Et on applaudit Tommy, mesdames et messieurs! Moi, j'ai beaucoup peur de ces affaires-là. Il n'y a pas de problème. T'es conscient qu'on l'aurait brûlé et toi avec. J'ai peur du métaux. En tout cas... Merci Amir d'être là, puis tu sais, quand tu vas être maître du monde, tu peux compter sur moi. Ouais, je veux l'Alaska, c'est j'espère après. Que je peux compter sur toi pour comme arriver à cet échelon. Ah oui, je suis vendu à ta cause. Comme moi, prochain chroniqueur, s'il te plaît. Un stylo. Tout à fait, Domi. Ça fait bizarre hein, de ne pas être ici en veston cette semaine. Ben, c'est vraiment pas de crédibilité. Aucune whatsoever. C'est parce que cette semaine, je ne suis pas ici pour parler de hockey professionnel. Hein, contrairement aux 10 dernières semaines. Puis que avec les mêmes mots. avec les mêmes mots. Dans une variation sur le même mais thème. Mais ton rap de la dernière fois était quand même assez puissant. Oui, merci. C'est vrai. C'était beau. Oui, donc, je viens pas vous casser les oreilles avec du hockey professionnel. Par contre, hein, Max Pacioretty est blessé au genou et devrait subir une convalescence de 12 semaines. Ce qui veut dire qu'on n'aura pas notre meilleur scoreur au camp d'entraînement. Donc, je vous entends déjà dire, hein, mais que va-t-on faire? ça laisse plus de place aux jeunes. Hein? Donc, les meilleurs jeunes, ça devront d'être les meilleurs au camp d'entraînement. Ouais. C'est déjà commencé. Hein? Il y a eu le camp de perfectionnement. Il va y avoir... C'est déjà commencé? Ben oui, effectivement, Tommy. Les jeunes doivent apprendre. Donc, les choix au repêchage se sont déjà rassemblés au centre d'entraînement de Brossard. Je m'éloigne, donc voilà. ça va laisser plus de chance aux jeunes de scorer des buts. Et c'est une niaiserie. Je suis ici, comme je disais, non pas pour parler de hockey, mais bien pour parler du Festival international de films Fantasia. Donc, vous avez reconnu sûrement le matos avec la pièce Rise of Turbo Kid. Et je suis très excité, oui, donc je viens vous faire part de mon excitation pour le festival, comme à chaque été. Et j'ai commencé, ce festival, 19e édition du Festival Fantasia déjà, et j'ai commencé à éplucher la programmation. Et je suis quand même un peu déçu. Cette année, il n'y a aucun film de gorille qui joue au baseball en 3D. Donc, ça, il n'y en a pas. Il y en avait un l'année passée, hein, on s'en souviendra. Oui. Il n'y a même pas genre d'équivalence, genre un chien qui joue au water polo ou un kangourou qui fait du cachalot, goaler, hockey. Ouais. Ben, on va être pris pour regarder le petit singe MVP. Un de mes films préférés. Ouais. Belle leçon de un des trois films préférés. Oui. Tommy, tu sais, hein, aussi, mon amour pour les animaux, hein, ils ne repasseront pas non plus les aventures de Chatran. Donc ça, j'ai été déçu de ça aussi. Mais pourquoi il avait fait ça cette année? C'est-tu comme les 20 ans de Chatran? Ben l'année dernière, il a passé, Tommy. Donc, il fallait être là l'année passée. Donc, cette année, ça arrive beaucoup. Donc, les aventures de Chatran, hein, superbe film d'aventure animalier contemplatif, hein, suivant le parcours d'un adorable chaton qui fait la rencontre de plein d'autres petits animaux cute sur son chemin, tels qu'un daim, un lapin, un chien et même un petit cochon. Donc, ça n'arrivera pas cette année non plus. Plus sérieusement, film d'ouverture, Ant-Man. Qu'est-ce que Ant-Man? Hein? Ça, c'est le super-héros que tout le monde s'en sacrait hein, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, un peu comme Iron Man en 2001. Tu sais. l'évolution de l'univers cinématographique de Marvel se poursuit avec la toute première apparition au grand écran d'un membre fondateur des Avengers. La raison pourquoi. Avengers. C'est lui qui a fait Vision aussi. C'est lui qui a fait... Il a fait Ultron aussi. Mais là, c'est plus, c'est plus canon. Ils ont changé ça un petit peu dans le... Hey. Là, il y en a. Il y a des rébarbatifs. Les hecklers, ils sont en salle. Non, mais ils veulent du focus. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Ant-Man, tu en as parlé, il a le pouvoir de devenir très, très petit, très, très grand et de faire beaucoup de millions au box-office. Donc, ça, c'est Ant-Man. Le film de fermeture au festival a été assuré cette année par Attack on Titan, film qui, le nom le dit, hein, propose une attaque de titans. Et l'humanité est décimée hein, par les titans, et donc les humains vont construire un mur pour se protéger. Mais vous l'aurez deviné, le mur sera de peu d'utilité parce que c'est des titans. Il y a trois murs, puis il y a un des murs qui se fait sauter. Ben voilà, tu sais, fallait peut-être un quatrième mur. Un mot genre une touffe, là. Donc, plein de grosses batailles en perspective et à ne pas confondre hein, avec Clash of the Titans. On s'en souviendra, hein, avec Qui-Gon Jinn et sa célèbre réplique « Release the Kraken ouais. ». Donc, ça, c'est pas la même affaire. À ne pas confondre non plus avec Remember the Titans, mettant en vedette très Denzel bon Washington. Très bon film. Denzel Washington, the best actor ever. He's so damn cool. He's so damn clever. Denzel et Washington, c'est probablement le noir le plus blanc de tout le cinéma. Voilà. C'en est un de... Après oui. Wayne Brady, je pense. Okay. Et, bon, s'il vous plaît, à ne pas confondre aussi avec Man on Fire, hein, autre film avec Denzel Washington. Donc, vous saisissez le concept, hein, ne mélangez pas Attack on Titan avec un film de Denzel Washington. C'est bon. Donc, ou avec n'importe quel autre film. Dans mais bon, allez regarder des épisodes hein, de l'animé, donc de la série ou de la bande-annonce Attack on Titan, si vous n'êtes pas encore convaincu de comment awesome que c'est. Andy peut en témoigner justement, c'est un connaisseur. C'est très et awesome. C'est très awesome. On ne peut pas passer sous silence non plus hein, la présence tant attendue du film Turbo Kid. Oh Chris, oui. Et oui, oh Chris, oui. Réalisé par les amis du collectif de réalisateurs Roadkill Superstar. Ça faisait beaucoup de sens hein, que le film soit présenté à Fantasia cette année. Le collectif RKSS étant des habitués de toujours du festival Fantasia, présentant au fil des années des courts-métrages tels que Le Bagman, l'excellente série Ninja Eliminator, Demonitron et T is for Turbo qui est devenu justement le long métrage de Turbo Kid. Et c'est vraiment cool puisque RKSS réalise enfin leur rêve de présenter un premier long métrage s'inspirant de tout ce qui les faisait triper quand ils étaient kids. Donc ça va des films des années 80, les jeux vidéo, les comic books, les films post-apo à la Mad Max, Megaman, en passant par les films d'arts martiaux. Puis là, c'est ça, il va y avoir du gore, ça va pisser le sang partout, ça va être malade. Et bon, on ne pouvait pas non plus passer sous le silence hein, ta participation, hein, la participation de Tommy Godette comme figurant survivant post-apocalyptique portant le nom de Hot Dog. Hot Dog, man. Oui, ouais. Voilà, on s'était. J'étais le bras droit du héros, ouais, ouais, j'étais vraiment bon, là. On s'était tous donné des noms, hein, parce que oui, il y avait aussi ma participation aussi connue. Parce que sinon, si vous vous en donniez pas, c'était moi qui vous en donnais. Ben oui, voilà. Puis le gars qui voilà. a décidé de pas s'en donner un, je l'ai appelé Panthère. Par défaut. Et bon, moi, je portais le nom de Ghost la première ouais, journée hein, Ghost, parce que j'avais un masque blanc, un masque à gaz. Et après ça, je suis devenu Mickey, donc faisant partie de la gang of Zeus et Zeus qui, en passant, est joué par Michael Ironside, ouais. Tel que sur ta photo. Hein, oui, il m'a donné plein d'amour. T'as donné des câlins. Je voulais faire une photo buteur de haine, puis il a dit non, non, viens, je vais te donner de l'amour. Pourtant, hein, Michael Ironside. Il voulait pas la haine. Écoute, il t'a fait un câlin d'ours. Oui. Ouais. C'était un des beaux moments. Hein, ouais, c'était bromance. Ouais. Et bon, c'est ça. Il y a eu aussi Bruno Corbin, hein, qui n'est pas là ce soir, qui incarne le rôle d'une transgender prostitute. Ouais. et il me cruise dans le film. Bon, là, il y a plus de place, genre. On peut pas avoir de billets. Ouais, ben c'est ça. C'est vrai, c'est parti vraiment vite. Mais ça a l'air, si j'ai bien compris. Les billets, justement, pour la première présentation du 23 juillet sont partis en 30 secondes. Ouais, c'est parti très rapidement, mais il y a une deuxième projection le 31 juillet. Et il va y avoir aussi une sortie en salle, je pense. Au mois d'août. Au début, je crois que c'est annoncé fait, faudrait y aller le 28 août, mais maintenant, je pense que c'est à la mi-août que ça va sortir en salle. Donc, surveillez ça au mois d'août, si jamais. Bon. Mais c'est ça, il y a une autre projection à Fantasia le 31 juillet, puis ça va être un Midnight Screening. Donc, ça va être assez nice, les Midnight Screening. Hein, ça donne toujours une ambiance qui, justement, fait le charme de Fantasia. C'est assez éclaté. Puis, on a une foule participative, puis ça va être assez fou. Bon, et en terminant, quelques films aussi à surveiller pour les premiers jours du festival. Je ne vais pas trop m'étendre, parce que j'aurai l'occasion de revenir en parler. Ant-Man, évidemment, donc c'est en ouverture demain soir. Il reste des billets. Et j'ai noté aussi Miss Okusai, sublime film animé japonais. C'est demain soir et le 25 juillet. Kung Fu Killer avec Donnie Yen, hein, un de nos favoris de films d'arts martiaux. Film d'action endiablé, c'est le 15 juillet. Il va y avoir aussi Manos, The Hands of Fate. Oh, tabaslag! oui, programmé par Simon Laparrière. Et ça va être assez spécial. C'est un film qui est reconnu hein, comme comme un classique de la défunte et culte émission Mystery Science Theater 3000. C'est un des pires. Là. C'est un des pires. C'est rough, écoutez ça. Connu même comme étant pire que Plan 9 from Outer Space. Oh, oui, c'est ce qu'on dit. Oui, mais c'est parce qu'en fait, c'est comme montage défaillant, dialogues qui n'en font aucun sens, etc. Ça vieillit mal, donc on aime ça. Oui, ça date des années 60 aussi, en fait. We Are Still Here, film d'horreur, de fantômes et de gore. Manquez pas ça. Moi, j'ai vraiment hâte de le voir. Ça l'a fait les autres festivals comme South by Southwest, si je ne m'abuse. J'ai très hâte de voir ça. C'est le 19 juillet. Et bon, comme je disais, ce n'est qu'un rapide compte-rendu de ce qui s'en vient prochainement. J'aurai l'occasion d'en parler davantage dans les semaines à venir et donc de suivre la programmation. Festival international de films Fantasia qui commence officiellement ses activités demain soir. Et, avec juste une question. Si tu avais à conseiller un film parmi tout cela, ben, c'est Turbo Kid. C'est le film. À part Turbo Kid, ben, c'est sûr que je veux voir ça. Mais... Il y en a d'autres, ça dépend des goûts. Check les posters, il y en a un avec une licorne, tu vois là. Mais moi, les posters, j'aime mieux comme quelqu'un d'expert. Moi, je connais pas grand-chose, mais c'est ça. Ben, voilà. On a une table d'experts, si j'ai compris. On a une table d'experts, vous pouvez venir nous voir. Expert, j'arrive de prendre tantôt. Des photos. Je conseille à tout le monde aussi d'aller sur le site web fantasiafestival.com, puis de se procurer le programme aussi, il va être disponible un peu partout, dans les Superclubs Vidéotron, les HMV, au Atomic Café même. Dans Fred, et voilà. Fred, t'en as oublié un. Ah oui, Singham Returns, favori de, justement, Nicolas. Bollywood, sûrement qui va durer 3 heures et demie. Singham, on est habitué de le voir ici. Capitaine le moustachu qui a raison. Le lion de Birmanie. Exactement. Merci beaucoup, Fred Fournier, tout le monde. Merci. Et Sapristounevitch, on arrive vers le tard de ce 70%-là. J'ai hâte de voir les clips à guise. Surprends-nous avec notre prochain chroniqueur. C'est une surprise. Surprise. Oui, yeah. Ça va partir bientôt, là. You gotta believe. C'est-tu Mathieu? Oui. Mathieu, il est où, Mathieu? Je sais pas, hein, il y a comme... En fait, Mathieu sera pas là aujourd'hui. Il a envoyé quelqu'un pour le remplacer. Ah! Ah, c'est Serpent Sylvain. Yeah. Le meilleur t-shirt au monde. Karaoké. Check ce qui est passé, mon héros. Il est ordinaire. Le club des 27, man. Un jour, dans une autre vie. Je vais enlever ça parce que les flashs sont terminés. Salut à toi. Mon nom est Serpent Sylvain et je viens te parler. Ah, salut Serpent. Ben oui. Belle calotte, mon gars. Allô? Allô? Hey, merci, c'est cool. Ouais, c'est la calotte à mon coloc. C'est pas une joke. C'est ça. Je viens te parler, tu sais, parce que tu me vois ici. Je suis une métaphore. C'est ça. Je suis cette métaphore de l'industrie musicale. Hein. Y a des majors. Moi, j'aime mieux les mineurs. C'était ma seule blague de musique. Hein. C'est comme ça. Sinon, la musique, c'est pas juste une question de rock et de roll. Mais c'est aussi une question de plaisir et de passion. C'est vrai. Donc, j'ai un document ici que j'ai trouvé sur les internets. Donc, aucun de ces mots-là, c'est moi qui les a écrits. Je tiens à te le dire, parce que c'est pas toute rose. Et bon, je le sais, tu te dis, 2015, il n'y a pas assez de bands émergents. C'est pourquoi je te propose une méthode pour te commencer un band de musique. Anyway, si ça te tente pas, c'est pas grave. Je vais le faire pareil. Tu nous captives, Serpent. Déjà. C'est probablement parce que t'as fumé avec moi avant l'émission. Donc, pour commencer, Trouver des musiciens. Un bon start, ouais. C'est... Si, non, comme mais... une autre étape après? Ben, c'est ça. Non, mais ben, c'est la première, parce que tu peux être un artiste solo, hein, mais... on dit ici, vous aimeriez autant partager les frais de déplacement lorsque vous partirez en tournée, n'est-ce pas? Parce que, faut se le dire, la musique est aussi une question d'argent. Hein? Y en a beaucoup à mettre, il y en a pas beaucoup à ramasser. C'est primordial. Comme dans la phrase, peux-tu me prêter 20$? C'est une phrase que dans le milieu artistique, on entend souvent. OK? Je tiens à te le dire. Ou, hey, t'as pas payé ta facture. Là, tu cours. Ça m'arrive très, très, très souvent. Ensuite, là, on donne des conseils. Hein. Facebook. Tu peux aller sur Facebook pour rencontrer des musiciens. C'est important. Les internets, différents sites et forums. Tu peux même aller placer des annonces dans des cafés, des magasins de musique. Hein. C'est sûr qu'un magasin de céramique, t'as moins de chance. Hein. Mais quelqu'un qui fait de la céramique d'un band, ça peut être fucking cool, OK? Fait que... Céramusique. En même temps, tu y vas avec ton style, hein? Même les fenêtres des voitures. Tu peux déposer des pamphlets sur les fenêtres de voitures. Ils disent si vous avez du cran. Parce que, ouais, il en faut pour faire ça. Sinon, tu peux chercher ailleurs. Tu peux aller dans un pub, une boîte de nuit, un karaoké, hein? Et là, tu peux rencontrer des gens qui font la même chose que toi, c'est-à-dire la passion. Hein? Parce que la passion, c'est endurer la douleur de manière passible. C'est ça qu'on fait. Bon. Et bon, il serait préférable que ces musiciens aient une formation musicale. Ça devrait... Mais ça, c'est pas obligatoire, par exemple. C'est pas obligatoire. C'est écrit pour vrai, ça? Ouais, c'est écrit pour vrai, là. C'est... Et sinon, ben après ça, quand t'as trouvé tes musiciens, il faut te choisir un genre. À fin, là. Ouais. Et si vous ne parvenez pas à vous mettre d'accord sur un genre, jouez un petit peu de deux ou trois genres et mélangez-les pour créer votre propre genre. Demandez à chaque membre d'amener un CD de ses morceaux préférés. Écoutez chaque CD afin de vous faire une idée de ce que chacun aime. Les groupes de musique ont eux-mêmes composé des morceaux. Les membres de votre groupe vont peut-être composer des morceaux. Super! Le groupe est-il capable de les jouer? Ça, c'est la première question. Si tu composes des musiques, il faudrait peut-être que les gens qui font partie du band sachent les jouer. D'où le bout d'avant où on disait qu'il faut une formation musicale. En tout cas, une certaine base. Hein? Dépendant du genre de musique que vous jouez. Sinon, le plus important est de choisir des morceaux que vous jouez bien et que votre chanteur chante bien. Sacrement, voyons. C'est des trucs, ça? Ouais. Sinon, en troisième, après ça, là, t'as tes musiciens, là, vous avez des pièces musicales, OK, des morceaux. T'as un genre, deux, trois, un genre. T'as des tunes qui fit avec le chanteur. Corn. Ouais, c'est bon. Ouais. Adopter un look adéquat. Défini adéquat. Ben, genre, moi, je suis pas dans le jazz. Yet. Voilà. On se rappellera, sinon, si tu veux un exemple concret, les Ramones, hein? Les Ramones ont créé un genre. D'ailleurs, je suis pas dans la salle si vous saviez, mais il y a eu plusieurs formations des Ramones. Mm-hmm. Il y a eu plusieurs guitaristes, plusieurs drummers, plusieurs bassistes dans ce band-là. C'est juste ça, tout pareil. Voilà! Le costume! D'où le bout, tantôt, je disais adopter un look adéquat. OK. AC/DC. AC/DC. Fait 30 ans qu'ils font le même album. Il est excellent, là. Il est super bon, cet album-là. Voilà, parce que, comme c'est mentionné ici, sans un certain look, il vous sera plus difficile d'obtenir des représentations et des fans. C'est sacrément. Oui. Ben, une fan au magasin, c'est 35-40$. Ouais, mais c'est pas rentable. Hein. Les pubs vous regarderont et penseront que vous n'êtes pas à votre place. Hein, si vous n'avez pas un genre associé à votre style, Ils vont dire qu'est-ce qu'ils font là. Les organisateurs de festivals en feront de même. Écoute, ça va être le bordel. Choisissez alors ce que vous souhaitez incarner et embrassez-le. Hein? D'où je ne fais pas de jazz. OK? Aussi, c'est bien important, peut-être un petit conseil. Si les pubs vous regardent, vous prenez probablement beaucoup trop de drogue, arrêtez. Les pubs ne regardent pas. Les pubs sont des établissements dans lesquels des humains vont à l'intérieur consommer. OK? C'est juste pour que tu sois ça la même coche que moi. OK? Après ça, là, t'as ton kit. Et avec tes membres, là, ils disent qu'il faut faire un contrat intermembre ou un code de groupe. Parce qu'il est difficile d'obtenir de 4 à 5 musiciens qui ont chacun leur vie de s'engager vis-à-vis des autres et du projet musical. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. D'ailleurs, je me cherche un band. En tout cas. Le jazz. Et il faut résoudre ça dès maintenant, hein, dès tout de suite, parce que ça vous permettra d'éviter les disputes dans le futur. Un contrat évite les disputes. Comme un prénuptial. Finalement. Voilà, il n'y en a plus après. Ouais, ouais, ouais. Sinon, hein, on est rendu déjà à la page 2 et là, on parle de trouver un local de répétition. C'est important. C'est important. Et on spécifie demander la permission au propriétaire des lieux. Parce que, bon, on s'en doutera, le matin, tu te réveilles, t'as un double bass drum dans ta cuisine. Hein, fais chier, tu sais. Tu joues du country, là. Pac, pac, pac, pac, pac. Le gars, il faut qu'il le sache. Là. J'en ai vu des situations comme ça. Ça, c'est une question de respect. Hein? Ça, c'est juste c'est du respect. T'sais. Et après ça, on y va avec répéter. Répéter. Ils font un look avant, par exemple, parce que répéter sans look, hein, c'est un peu répéter dans le vide. Est-ce qu'il suggère de mettre son look même pour les pratiques? Oui. Oui. Devenir un bon groupe, hein, demande du temps et des efforts. Et ça, on le dira jamais assez. Redis-le une autre fois. Ouais, ouais. Et ça, Amir, on le dira jamais assez. Merci. Je crois que répéter, c'est la clé du succès. Sinon, après ça, ben, commencez à écrire des chansons. Hein? Parce que c'est ça, t'as ton look, puis t'as ton local de pratique. Écrivez-en autant que vous pouvez, sans sacrifier la qualité pour la quantité. Hey, ça veut rien dire, ce phrase-là. Ah, c'est du serpent, ça. Hey, elle est fuckée, cette phrase-là, mais elle va dans tous les sens, elle revient au milieu, elle bug. Brain freeze. Elle grappe tout le monde, je pense que c'est ça, c'est fucké. C'est, cependant, sachez que vous devrez avoir au moins 11 à 12 chansons afin de pouvoir vous produire en concert. Ça, c'est relatif, parce que si tu fais du progressif, t'as juste besoin de 3 tunes. 3 et demi, genre. 3 tunes. Si tu fais les Ramones, t'en as besoin d'une. Les Ramones, en fait, t'en as besoin de 47. C'est ça, 47, oui. 15 minutes de show, ouais, 47. Ouais, il y a un rappel. Les Ramones, c'est un peu comme 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mais ça, c'est 2 tonnes déjà, là, ça va vite. Bon, je t'essoufflais un peu ici. Après ça, il dit, hey, ça c'est très, très, très, très, très important. Un groupe de première partie peut se contenter d'avoir 4 ou 5 chansons. Un groupe de première partie, ça c'est un groupe qui ira pas loin. Voilà. Moi, j'ai toujours voulu avoir un band de deuxième partie. Ouais, je suis comme ça. Tu vises les grandes lignes. Ouais. Après ça, vous devriez également protéger votre travail. Et ça, c'est spécial parce qu'on parle ici du droit d'auteur. Et tout le monde sait qu'en ce moment, le droit d'auteur... En tout cas, on en reparlera plus tard. Mais ça va pas bien pour le droit d'auteur dans le monde. Donc, on passe tout de suite au cinquième. Choisir un nom. Parce que là, t'as ton look, ton local de pratique, t'as tes chansons. Il faut que tu choisisses ton genre. Il faut que tu choisisses un nom. Donc là, on m'indique ici, vous pourriez choisir un nom qui a une signification. On n'est pas obligé, par contre. On n'est pas obligé. C'est une proposition. C'est ça. Ou juste qu'il sonne bien, voilà. Hein? C'est important qu'il sonne bien comme Carquois. Ça sonne bien. C'est vrai. Ouais. Noir silence, ça sonne bien. Noir Désir, sa fesse. T'sais? Bon. La chicane. La chicane, ça, c'est hein, irréconciliable. Bon, ils l'ont dit, ils n'en feront pas d'autres albums, ils se sont chicanés. Les meilleurs noms sont généralement courts et faciles à lire et écrire, hein, pour qu'ils soient faciles de s'en souvenir. La chicane. La chicane. C'est du marketing, comme Yo. Hein? Et veillez aussi à ne pas utiliser un nom déjà utilisé. Et ça, ça, ça me rappelle, parce que moi, mon premier band, on s'appelait les Beatles. Puis vraiment... ça a pogné so-so, là. Tu sais? Le monde faisait des recherches sur le net, puis il tombait jamais. Tombait tout le temps sur l'autre band qui s'appelait le même du monde, pas trop connu, il était 4. Ouais. Liverpool. Même pas capable de dépler comme du monde, là. Il chantait la toune, justement. Liverpool. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Tu décides d'un nom, hein, un petit nom simple, ou tu peux. Pas prendre un nom déjà utilisé, mais tu peux rendre hommage à un nom, comme tu peux t'appeler Metallipa, hein? Ben, il ronge mes dents, tu sais, en tout cas, tu y vas. Bosch Double X, tu sais, c'est... Il ronge mes dents. Il ronge mes dents. Pense-y, pense-y. Ah ouais, je la trouve bonne. ça va bien, ça va bien. Il me reste encore beaucoup trop de pages. Ben oui, je vois ça. C'est faire des... regarde, mettons, c'est parce que c'est pas... Oh, c'est si tu veux, tu reviendras la semaine prochaine finir ça. Là. Non, non, on a... Attends une minute, là. Après ça, en 6, il faut que t'enregistres. Oui. T'enregistres. Faut que t'enregistres un CD ou un démo, hein. Et là, il s'agira de la pièce la plus importante de votre matériel de promotion. Et ça, pour la choisir, c'est vraiment facile. Tu regardes toutes les chansons, t'écoutes les chansons, et celle qui te paraît la plus plate, c'est celle que tu mets en avant des autres. Et comme ça, les stations de radio vont être très, très, très contentes. Hein? Bon, maintenant, t'as ta bullshit, t'as ton shit. Se préparer à vivre le rêve, hein? Parce que ce sera un rêve. Tu vas te réveiller assez vite, tu vas voir. C'est... calice. Commencez à chercher des occasions de vous produire. Ben, c'est comme ça. T'sais, tu veux te produire, te reproduire encore. Et là, il te faudra un kit de presse. Hein? Et pour ça, tu auras besoin d'un graphiste. N'aie crainte, on est en 2015. Ma grand-mère est graphiste. À un moment donné, ça va être super facile. Aussi, engager un photographe pour une séance de photos. Écoute, n'aie crainte, on est en 2015. Écoute, ma grand-mère est photographe. C'est comme ça, hein? Vive les iPhones, sérieux? Fucking cool. Sinon, achetez l'équipement nécessaire. Parce qu'on vous le dira jamais assez, la musique est une question d'argent et c'est un puits. Hein? C'est un puits sans fond dans lequel tu lances ton cash. Voilà, tu lances ça là-dedans puis ça n'arrête pas d'être profond puis tu vois jamais le bout. Donc, c'est une métaphore du pré-étudiant à Laurent? Ouais. Bon. Pas, non, là. Il sourit pas. Ben, c'est parce qu'on dit acheter l'équipement nécessaire et tant que vous y êtes investi dans un bon équipement d'enregistrement. On vous le dira jamais assez. La musique est une question de passion. Hein? Faites imprimer des produits dérivés. Et là, ça va... parce que ça, c'est important. Ça va de l'autocollant, de la carte de visite, du t-shirt, du débardeur, du tatouage. On dit tatouage ici. C'est presque mon domaine, même. Sauf le tatouage. Ben, regarde, moi, j'en ai un nouveau ici, un tatouage. Ça, y a-t-il une signification? On voit des lignes, un triangle. Les Illuminati, un pénis? C'est un pénis? Ça, ça fait un pénis. Géométrie. Ouais, ouais. Ça fait un pénis, mais c'est surtout... la force de réaliser mes rêves. Oh! Je fais de l'alchimie. Va chier, man. OK? Fait que c'est ça. Sinon, ben, tu lances une mail list, puis t'as plein de fans. Un compte Facebook dédié au groupe. Bullshit. SoundCloud, c'est quoi ça? Bandcamp, va, non. MySpace, tant qu'à y être. On est en 97. High five. C'est-y. Sinon, high five, là, ouais. Publier une vidéo du groupe, faites de la promotion. Il y a un bout là, qui dit « Rechercher à rencontrer des comptables, managers et autres professionnels. » Ça, c'est si t'as trop d'argent. Là. Ouais, c'est ça. Okay. Il faut que tu... Songez à engager un consultant. Je sais pas de quoi il parle, en fait. Je pense que ça, c'est l'article d'après. sur les avocats, j'ai aucune idée. Sur comment frauder des groupes de musique. Voilà. Sinon, un conseil, règle numéro un, amusez-vous, soyez spontané, hein, et amusez-vous avec votre musique, même si vous n'allez pas très loin, hein. Donc, c'est pas une question de succès, la chanson, jamais. Et lorsque vous commencez, vous devriez peut-être jouer des reprises, mais ce n'est pas abandonner la créativité, hein, mais c'est bien de la déplacer vers l'industrie. Voilà. C'est ça. C'est d'être un vecteur de ta société, hein, de tes ancêtres. Voilà. C'est un sacré dossier que tu as pour nous c'est, autres aujourd'hui. Ça, c'est pas fait. Il faut bien choisir les membres de son groupe, hein, parce qu'on se rappellera ce qui est arrivé avec les Beatles. Et là, je parle pas de mon band, là, je parle des vrais Beatles, là, naturellement. C'est ça. Là, on médite sur Yoko Ono, je sais pas pourquoi. Ça a l'air d'être une légende. Je la connais pas. Non, mais c'est vrai, j'ai jamais rencontré cette personne-là. Elle vient de l'Est, puis elle détruit tout ce que t'as voilà. Bâti. C'est pas une sorte de char. Et sinon, ben, un conseil très important, n'acceptez pas quelqu'un dans le groupe simplement parce qu'il est votre petit ami. C'est un conseil, ça. Ça, c'est oui. Ça, c'est, okay. C'est bon, ça. Et ne nommez pas le groupe d'après un membre. Ça, c'est comme, mettons, Serpent, Sylvain et ses couleuvres, tu sais. Ouais. Ça, non. Serpent... Bon Jovi, tu fais. Hey, Bon Jovi, c'est Hélène, bon, man. Marc Drouin, ses échalotes. Oui, bon. Mais Marc Drouin, bon. En général, moi, ça serait le premier que je pendrais à la place publique, moi. En tout cas. Le en premier général. D'une très longue liste, je tiens à te le dire. Non, mais il a fait du cash sur le dos de la naïveté du monde, lui, c'est incroyable. Là. C'était possible là, de le poursuivre. D'ailleurs, le prochain, c'est voler la musique ou le nom de quelqu'un d'autre est illégal. Hein? Voilà, oh, on te le dit, c'est comme ça. Faites vos propres créations. Mais ne soyez pas trop créatifs. Hein? On le dira jamais assez, la musique, c'est faite pour être écoutée. Ne changez pas de personnalité, hein, et apprenez à vous reconnaître quand votre ego interfère avec les objectifs du groupe. Hein? Belle phrase. Sinon, les éléments nécessaires, en terminant, un endroit où répéter, un équipement, de bons membres, de l'équipement d'enregistrement, un bon genre musical apprécié par tous les membres, un programme d'édition sonore ou un ordinateur Windows, Linux ou Mac bien équipé, avec des câbles pour relier les instruments à l'ordinateur. Combien de groupes ont flanché à cette étape? Ben, nous autres, ouais. La semaine passée, on avait les trois boîtes, pas de film, on se demandait, t'es là, fuck, man, ça marche pas. Un conseiller et de la persévérance. Hein, et ça, je le dirai jamais assez. P-E-R-C-E-V-E-R-E-N-C-E. Ouais, il te faut un cours de français aussi pour écrire des chansons. Voilà. Sinon, ben, DJ Davio, tu peux partir ma chanson « Hommage à la vie ». Parce que j'ai pas l'air de tout ça, mais je suis un être spirituel. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. En pleine face, si tu le voyais dans toute sa gloire, qu'est-ce tu demanderais si t'avais juste une question? Ouais, Dieu y est grand, ouais, Dieu y est bon, ouais. Ouais, mais si Dieu était un des nôtres, un douchebag comme toutes les autres, juste un étranger dans le bus qui essaye de rentrer chez lui. Si Dieu avait une face, de quoi y aurait l'air? Voudrais-tu le voir, même si ça veut dire croire à des affaires comme le ciel, Jésus, les saints, tous les prophètes. Ouais, ouais, Dieu y est grand. Ouais, ouais, Dieu y est bon. Ouais, ouais, ouais, tout le monde ensemble. Et si Dieu était un des nôtres, un douze bac comme toutes les autres, juste un étranger dans le bus qui essaye de rentrer chez eux. Il essaye de rentrer chez eux. Tourner tout seul au paradis. Personne répond au téléphone. Sauf peut-être le pape Aaron. Généralement, où je chante, c'est marqué instrumental. Mais si Dieu était un des nôtres, un douze bac comme toutes les autres. Juste un étranger dans le bus qui essaye de rentrer chez eux. Il essaye de rentrer chez eux. Il roule une grosse pierre sainte. Personne répond au téléphone. Sauf peut-être le pain. C'est repassé de main, mesdames, messieurs! Yeah! Oh yeah! Rock and roll, man! Yeah! Ah, va t'asseoir, là, on a eu... Après avoir forcé leur fille de 14 ans à vivre dans une tente au fond d'un bois pendant une semaine, comme conséquence d'avoir mangé une Pop-Tart sans permission. C'est vraiment comme la punition à la juste hauteur. Au grand mot, les grands remèdes. Regarde, c'est une Pop-Tart au chocolat. C'est pas à tous les jours qu'on achète ça. C'est vrai. James Driggers, 33 ans, et Crystal Driggers, 36 ans, ont seulement remis à leur fille une lampe de poche, un rouleau de papier de toilette, un sifflet et une montre. Leur fille devait se présenter à une clôture à des heures spécifiques si elle désirait recevoir de la nourriture. Les autorités locales ont retrouvé la fille, ou plutôt trouvé la jeune fille, vendredi passé, deux jours après le début de sa punition. Elle avait passé le jeudi précédent sous un temps d'orage violent qui frappait la région. Les parents ont été accusés de négligence parentale pour des raisons complètement obscures. Ben voyons donc, man. Non, mais pour leur défense, c'est des Pop-Tarts pareil. Là. Au chocolat. C'est sûr, c'était au chocolat. Moi, je m'attaquais. Le luxe, là. Moi, mon père, il m'a juste donné 3 grammes de moche. Elle a eu un couteau, un sifflet. Un couteau, c'est ça. Un rouleau de papier de toilette. Un rouleau. Un rouleau pour un mois. Ça se plaint le ventre. C'est un carré par jour. Un rouleau pour une semaine. Suite à un appel placé au 911, la police de Chicago s'est présentée à une maison pour y trouver une femme se frappant elle-même avec un pied de biche. Ou une crowbar, pour ceux qui ne connaissent pas le terme. Lorsque les deux agents ont tenté de calmer Jenny Park, 33 ans, elle a déposé le pied de biche et s'est mise à courir à toute vitesse pour rentrer tête première dans l'un des murs du salon. Yes! Ça devait donc bien être drôle! Elle a... Il y a une photo, d'ailleurs, tu peux chercher ça. Elle est vraiment géniale. Elle a alors continué en se ruant de coups dans l'estomac et les seins en, tout en criant « Take that, pussy! » C'est... Les agents ont finalement réussi à calmer Jenny avec l'aide d'un fusil paralysant. C'est c'était quoi la raison, ça, je veux savoir. Ok, oui, j'ai la raison. Okay. Elle s'en vient. Elle s'était pas déjà assommée, est-ce-t-il? Elle était déterminée à se battre elle-même, a déclaré un policier, et elle l'a fait. Une des pires rouades que j'ai jamais vues dans mes 20 ans de métier. Elle voulait faire comme le gars dans le Fight Club, là, mais il n'y avait pas son boss. Genre. Un pari de 12 $ initié par son beau-père. Comme quoi, Jenny ne serait pas capable de botter son propre cul, serait prétendument à l'origine de cette intercation. Fait que si je comprends bien... USA. 12! Parce que je n'avais pas peur de moi-même. Ça a vraiment l'air d'une joke. C'est, j'ai vérifié. C'est moi qui l'ai trouvé. C'est débile. Il y a une photo de elle. On pourrait-tu faire ça avec Superman? On pourrait finalement le voir comme poké. Est-ce que c'est la sœur de la fille des Pop-Tarts? Ou c'est comme ça? Aucune morale. Son beau-père a annoncé qu'il allait respecter le pari et lui remettre le 12 $. Moi, là, j'aurais dit non. C'est voidé parce que tu as utilisé des outils. Mais ne va pas couvrir les coûts médicaux qui devraient monter à 4000 $. Jenny souffre de multiples fractures du crâne et a perdu plusieurs dents dans l'altercation. Dans son combat contre elle-même, elle a brisé une table basse de la porcelaine et causé plusieurs trous dans les murs. Donc, son père a porté plainte pour destruction de propriété privée. Et les policiers ont dû l'arrêter. Ben là, l'alcool a joué un rôle, quelque chose. Ça, je pense pas. En tout cas, next. Je pense que c'est la génétique, je suis plus d'accord avec ça. Le manque de cellules cervicales, je pense. Ouais. Bon. Bonne nouvelle, 70%. La bonne nouvelle, 70%. Vous pouvez maintenant vous procurer l'eau BLK Dot. Une eau sans gluten, sans organisme génétiquement modifié et exempte de biphénol A, qui est un composé trouvé dans la fabrication de certains plastiques. La partie la plus inhabituelle de cette eau sans OGM est sa couleur. L'eau est en fait noire. La marque derrière le produit, BLK, est le fruit de Albie Manzo et Chris Lorita du New Jersey et explique sur leur site Internet que la couleur noire de son eau est due à des oligo-éléments fulviques. Ça compte plein de points sur Internet, sur Scrabble. L'eau a également plus de 60 autres oligo-éléments, un pH élevé, ainsi que des électrolytes puissants. Oh, des électrolytes! Get it! Vous pouvez, d'ailleurs, présentement, vous pouvez vous procurer un paquet de 24 bouteilles sur Amazon pour une somme minuscule de 47 $ américains. Les commentaires les plus populaires, c'est « ça goûte comme de l'eau ». Et « j'aime ça, c'est très rafraîchissant quand c'est froid ». Merci. Tabarnak, ben merci beaucoup Amir. Merci à toi, merci à vous. Ça a été une super belle heure et quelques. Merci à Andy, merci à Laurent, merci à Fred, merci à Eric Carmen, Serpent Sylvain, Élise, notre technicien là-bas. Il y a Maxime qui a commencé à soir, sinon c'est Nick. Il y a aussi un certain Bernatché qui était là tantôt, on a parlé les Québécois, Julien. Et il y a aussi double Laurent Lassalle, To The Rescue. On a parlé d'affaires touchantes ce soir. La fille qui s'est tabassée à coups de barre avec Lou. Le show va être en archive, mais là, j'ai vraiment hâte qu'on arrête le 70% pour laisser le contrôle à Giz pour le reste de la soirée. Merci beaucoup d'être avec nous. Donnez-nous un petit instant. On change ça. On sort les projectiles. Merci à Chinook aussi. À tantôt. Merci.